Québécois, Québécoises, gens de toute autre provenance, bienvenue à nouveau sur les ondes de CKRL, si vous étiez déjà à l'écoute. Sinon, ben, bienvenue sur nos ondes. Aujourd'hui, émission de la fausse patte de ce 29 février. C'est très rare qu'on a la chance d'assister à un 9 février année bisextile. Donc, je considère que c'est un privilège pour moi d'être en ondes en cette journée plus que rare. Semaine plus que rare, car beaucoup de choses ont frappé l'imaginaire et les opinions publiques du Québec ces derniers jours, depuis la semaine dernière. Ça va me faire un grand plaisir de vous faire un résumé de tout ça. Tout d'abord, dans notre émission, comme l'a annoncé mon collègue Alain juste avant dans les premiers crus, on a de la belle grande visite. En fin d'émission, nous aurons Gabriel, le grand leader, Gabriel Nadeau-Dubois, voilà, le porte-parole de la classe qui se porte à la défense des droits de scolarité, donc s'insurge contre la hausse des droits de scolarité. Évidemment, c'est le grand sujet d'actualité présentement. La semaine dernière, nous étions à 62 000 étudiants en grève. Ça l'a monté en flèche encore cette semaine. On va faire le bilan avec lui. Évidemment, il va nous parler de son passage, je pense, assez remarqué, à tout le monde en parle, ce dimanche. Dans un deuxième temps, en milieu d'émission, voilà, on va parler avec Guillaume Wagner, l'humoriste, qui sera notre éditorialiste invité pour aujourd'hui. Et notre première entrevue, elle se fera avec le metteur en scène, Dominique Champagne. Dominique Champagne, qui, il y a quelques semaines, a lancé un appel à tous aux Québécois afin de lancer un printemps québécois, à l'instar du printemps arabe l'année dernière. Et il a choisi la journée de la Terre le 22 avril. Question de faire sortir tous ceux qui en ont assez de la situation, en fait, politique et sociale au Québec. Donc, il nous invite tous, les citoyens et citoyennes, à sortir dans la rue le 22 avril. Il va nous expliquer comment lui est venue cette idée et en quoi, pour lui, c'est d'une importance que le peuple québécois prenne des décisions et bouge dans le bon sens. Eh bien, c'est un bon plan d'émission, je pense. Je suis très, très heureux de vous offrir ce menu. Et de mon côté, je me suis penché, j'ai eu beaucoup de difficultés, en fait, à choisir le sujet de ma chronique d'aujourd'hui. Vous savez, normalement, je me concentre sur un seul sujet. Mais pour cette semaine, je me suis résigné. J'ai décidé de faire un trio, voilà, un trio pour emporter aujourd'hui. Donc, je vais y aller de trois petits éditoriaux de 10 minutes sur trois situations différentes. Donc, nous aurons en émission aujourd'hui un invité qui est à Tout le monde en parle ce dimanche ou sur le plateau de Guillaume Lepage. Eh bien, moi, je vais m'attaquer à un autre invité qui était là, ce cher monsieur Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté qui a déjà eu une chronique ici dans notre émission cet automne, en compagnie de Catherine Dorion. Et Mathieu Bock-Côté, qui est sociologue, enseignant, auteur, et philosophe, qui, lui, se dit de nationalisme de droite. Lui, un nationaliste plus conservateur. Donc, grosso modo, de ce que je me rappelle de sa position, parce qu'il était venu défendre son livre, son ouvrage qui est sorti la semaine dernière, qui accusait, en fait, le multiculturalisme au Québec et la social-démocratie d'avoir amené presque à sa perte le mouvement souverainiste. Alors, selon lui, c'était la quête identitaire du Québécois moyen, en fait, du Québec, est en train de tomber parce que, justement, on a été trop ouvert, si on comprend bien, aux arrivants d'ailleurs. On a tellement voulu être gentil, on a tellement voulu intégrer tout le monde qu'on a accepté toutes sortes de situations qui auraient brimé, qui auraient altéré le sentiment d'appartenance des Québécois à leur pays, en fait, à leur nation, qui est le Québec. Eh bien, évidemment, il y a des situations qui sont sorties dans les journaux. On a connu toute la grande époque des commandements raisonnables. Mais encore une fois, ce qui est déplorable dans ce genre de situation-là, dans ce genre de débat, c'est qu'on prend la minorité, on prend des phénomènes qui sont pas nécessairement isolés, mais qui ne représentent pas une totalité. Et on veut appliquer ensuite de ça, on veut partir de ces situations-là pour prendre des solutions, appliquer des situations qui vont toucher, en fait, toute la population immigrante du Québec. Eh bien, selon M. Bock-Côté, dans un premier temps, le multiculturalisme, alors il dit que l'identité québécoise n'est pas assez définie. Alors, pour lui, M. Bock-Côté, un Québécois, c'est pas compliqué, c'est le bon vieux Canadien-Français des belles histoires des pays d'en haut. Hein? Il est blanc, il est francophone et il est d'héritage catholique. Mais surtout, il est pas bon. Hein? C'est un gang petit. C'est des petites gens d'avoir un peu pas niaiseux, mais un peu innocent, dans le sens ignorant. On dirait que c'est ça à ce qu'il veut revenir. C'est bizarre. Parce que c'est une vision que le Québec portait dans les années 50 sous Maurice Duplessis. Ceci dit, il dit qu'on veut pas enseigner, qu'on n'enseigne pas assez l'histoire, c'est parce que l'histoire est en train de tomber dans les écoles, que l'identité québécoise est en train aussi de tomber. Là-dessus, je lui donne raison. Il a raison de dire que les cours d'histoire au Québec devraient être beaucoup plus présents et que, en fait, à chaque année du secondaire, je pense à l'adolescence, les citoyens devraient apprendre d'où ils viennent, qui ils sont et à quoi ressemble leur pays. Par contre, il faut faire attention à ce qu'on leur enseigne. L'échec du multiculturalisme, mesdames et messieurs, ça sous-entend que l'identité québécoise, ça va, ne peut pas inclure, n'a pas réussi à inclure des gens de d'autres origines. Eh bien ça, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Moi-même, j'habite la base ville de Québec, le quartier Saint-Sauveur, et pour ceux qui y habitent également, vous savez qu'il y a une grande population de Vietnamiens, de Laotiens qui sont là, qui se sont bien intégrés en fait, qui ont mis une couleur, une saveur, et moi, ces gens-là, je les considère des Québécois. Évidemment, ces gens qui sont arrivés dans les années 80 ont eu des enfants. Et ces gens-là, même sont d'origine asiatique, leurs parents sont asiatiques, eux, sont vraiment Québécois. Ça va? Mais pourtant, ils ont aussi un bagage. Leurs parents leur ont appris des valeurs. Ils ont vécu aussi dans un style de vie qui s'apparente à leur pays d'origine. Et ça, pour Mathieu Bock-Côté, si j'ai bien compris, ça, c'est pas être Québécois. Et moi, j'ai de la misère avec ça. Beaucoup de misère avec ça, parce qu'une culture, un peuple, c'est en mouvance. Ça change. C'est comme la langue. Ça grandit. Ça s'adapte. Ça se métamorphose au gré des gens qui le font, qui les font. Donc, si je poursuis dans sa lignée, que le multiculturalisme est un échec, tout le travail de Gérald Godin dans les années 70 et 80, dans le comté de Mercier à Montréal, dans l'intégration de la communauté grecque, tout ça est un échec. Gérald Godin a été député de Mercier pendant presque 20 ans, ministre de la Culture et tout ça, et grâce justement à son travail très proche et acharné qu'il a fait auprès de la communauté grecque pour justement aller les voir, les écouter, empêcher qu'ils deviennent ghettoisés et les intégrer dans notre culture québécoise. Si les Grecs ont voté pendant tant d'années pour un souverainiste, parce qu'il se disait aussi Québécois et croyait en son projet, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement que des Québécois puissent venir d'ailleurs? Je poursuis. Dans les partis souverainistes qui sont à l'Assemblée nationale ou aux communes présentement, que dire de Makakoto, lui qui est Camerounais, qui lui croit que le peuple québécois devrait s'affirmer lui-même? Maria Mourani au Bloc québécois à Ottawa, voilà, qui elle est de la Côte d'Ivoire, ou encore Amir Kadir d'origine perse. Eh bien, ces gens-là, qui se battent pour le Québec, ces trois députés, je pense, qui, dans les dernières années, ont travaillé très fort à l'identité du Québec, à l'affirmation des valeurs, ces gens-là ne sont pas nés ici au Québec. Ils ont des origines différentes. Pourtant, ils luttent pour le Québec, ils travaillent pour le Québec. Et là, selon M. Bock-Côté, ce phénomène-là, finalement, eux-mêmes, s'ils se battent pour le Québec, ils sont le résultat d'un échec. Deuxième chose, il dit que la social-démocratie, ça, mesdames et messieurs, c'est tout ce qui est la justice sociale, l'éducation à bas prix, hein, on en parle beaucoup ces jours-ci, les soins de santé universels, la protection de l'environnement, l'aide aux démunis, la justice sociale, ça, c'est la social-démocratie. Ça a apporté la création des cégeps, les universités du Québec, ça a apporté Hydro-Québec également, qui est le grand fer de lance. Eh bien, selon lui, l'échec de la social-démocratie et l'association automatique entre souveraineté et social-démocratie, pour lui, c'est un constat d'échec. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec lui, pour la simple et bonne raison, mesdames et messieurs, que l'affirmation d'un pays, l'affirmation d'un peuple qui le mène vers l'indépendance, ça ne peut pas se faire si tout le monde ensemble, on se serre les coudes. S'il n'y a pas de prise de conscience collective, qu'on se regarde entre voisins pour dire, voilà, on se rassemble, nous sommes ensemble, on doit s'unir, se tenir les coudes, il n'y a pas d'indépendance qui se fera. Eh bien, ça, se tenir les coudes, avoir une conscience collective, une vision de groupe, ça, moi, je pense, à moins que je me trompe, selon ma petite opinion, c'est ça de la social-démocratie. C'est beaucoup plus de la gauche que de la droite. Ça marche? Et moi, je pense que le mouvement souverainiste a de la difficulté, même on n'a pas tant de difficulté que ça, parce qu'on oscille autour des 43% présentement. C'est quand même pas si mal quand on se rappelle que c'était 49% et des poussières pour le référendum de 95. Eh bien, faut pas mélanger Bloc et Parti québécois, ainsi que idée de souveraineté et d'indépendance. Parce que, soit dit en passant, lorsqu'on parle de la social-démocratie qui aurait coulé le mouvement souverainiste, il faut faire attention. Parce que après le référendum en 95, où ça a été 50-50, Jacques Parizeau avait dû céder le leadership du mouvement du oui à Lucien Bouchard. Et après, il ne pouvait pas revenir. Il avait dit, entre autres, il s'était engagé que si le oui perdait, il démissionnait. Alors, il a démissionné, il a respecté sa parole. Et là, c'est Lucien Bouchard qui est débarqué comme grand sauveur à la tête du PQ et comme premier ministre du Québec. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, au lieu de dire « Hey, on est proche du but, il manque pas grand-chose. On va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné cette fois-ci pour aller chercher les dernières grenailles. On va se pencher sur la question pour ensuite revenir à la charge avec une nouvelle proposition et là, plaire à une grande majorité de Québécois. » Mais au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un grand stop. Il a dit « On va créer les conditions gagnantes. » Et ça, les conditions gagnantes, selon Lucien Bouchard, hein? Selon l'histoire, il faut s'en rappeler. Et là, d'ailleurs, c'est là que je trouve drôle que Mathieu Bocoté dit qu'on devrait enseigner l'histoire davantage, mais il a l'air d'oublier l'histoire. Ou bien, il l'interprète à sa façon ou il y a une mauvaise foi. Parce que Lucien Bouchard, lorsqu'il est arrivé en 95, il a voulu créer les conditions gagnantes. C'est devenu quoi? C'est devenu la lutte au déficit zéro. Il est parti à la chasse aux sorcières et il a sabré complètement dans les programmes publics. Il devait absolument régler la dette. Pas augmenter les revenus du Québec de quelque façon, pas nécessairement en augmentant les impôts. Mais il y a moyen aussi d'aller chercher des revenus pour l'État sans augmenter les impôts. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a complètement chambardé nos services publics à coup de virages ambulatoires, n'est-ce pas, qui ont soulevé la colère des infirmières. Moi, ma mère était infirmière à l'époque, je m'en souviens, ils ont manifesté contre ça. Ils se sont fait traiter de tous les noms, justement, par Lucien Bouchard, ça avait fait scandale. Ça a été à coup de réforme scolaire, qui est un échec pratiquement complet présentement, et aussi de privatisation de Gaz Québec. Privatisation de Gaz Québec avant le gaz naturel, mesdames et messieurs, était nationalisé. Les revenus du gaz naturel au Québec revenaient dans les coffres de l'État. Lucien Bouchard lui a privatisé tout ça. Il a privé le gouvernement du Québec, l'État, de ce revenu-là pour ensuite couper ailleurs. Il a complètement défait notre modèle. Ensuite, Lucien Bouchard, lorsque ça commençait à mal tourner, a quitté. On a élu les libéraux. Qu'est-ce qu'on a fait brûler les libéraux? C'est choisir un autre parachuté des conservateurs d'Ottawa. Parce que Lucien Bouchard venait du Parti conservateur. Et bien là, on a élu Jean Charest, un autre conservateur, qui a suivi la même tactique, la même médecine, sous d'autres mots. Au lieu de parler de lutte au déficit zéro, hein, de déficit zéro, plutôt, on a parlé de réingénierie de l'État. Eh bien, il a poursuivi dans la même lignée. Il a enlevé il a réduit de 10 à 3 les plateaux d'imposition, ce qui a privé présentement de milliards de dollars dans les coffres du gouvernement. La taxe sur le capital également a été enlevée. Et là, on parle de corruption, etc., etc., etc. Comment voulez-vous que nous, en tant que Québécois, on s'identifie à notre pays, qu'on en soit fier, qu'on soit fier de notre culture, de notre système politique, si depuis les 17 dernières années, tout ce qu'on a fait, c'est de tout détruire le modèle sans proposer de nouvelles solutions. On a tout brisé sans proposer un nouveau modèle qui va selon nos valeurs. Parce que toute la montée identitaire dans les années 60 et 70 a été étroitement liée justement à cette prise de conscience collective, à cette intensité de nos valeurs qui ont monté l'État-providence justement, qui nous a permis de rentrer dans la modernité et de s'afficher à la face du monde. Lucien Bouchard, Jean Charest, Bernard Landry, entre les deux, évidemment, ont détruit tout ce qui nous servait de fierté. Et là, nous, après ça, on devrait croire Mathieu Bocoté qui dit que c'est la social-démocratie qui a brisé le mouvement souverainiste. Eh bien, moi, je dis non, c'est le contraire. C'est le néolibéralisme qui s'est installé à l'Assemblée nationale depuis 17 ans, qui a complètement disséminé notre modèle, qui nous a laissé sans repère après une défaite référendaire crève-cœur, qui a oublié de prendre le leadership identitaire, qui l'a complètement laissé de côté, tant au niveau de la langue que des valeurs. Et après ça, il faudrait continuer à dire... Et M. Bocoté, lui, au lieu de dire que non, on va se ressaisir, ça va mieux se passer, il continue à dire, comme François Legault, ça va mal au Québec, on devrait faire mieux, hein? Il est un pessimiste lucide, comme il le dit. Eh bien, moi, les pessimistes lucides, mesdames et messieurs, j'en ai rien à faire. Je préfère les optimistes qui, eux, rêvent, mettent les deux mains à la pâte, acceptent de se salir. Parce que ce monsieur-là, lorsqu'il monologue, ça va bien, mais lorsqu'il est temps de débattre en direct avec des personnes, comme quand Manuel Bilodeau lui a posé une question, ou encore Guillaume Lepage lui dit, est-ce que tu traverses les lignes de piquetage? Eh bien, on s'est réfugié derrière la vertu et les règles. L'UQAM nous force à y aller. Moi, je veux rester complètement neutre. Ma neutralité journalistique me demande de ne pas épouser des comités de ce genre. Donc, il se cache derrière tout ça et refuse de prendre position. Donc, moi, je préfère les optimistes qui mettent la main à la roue, s'impliquent davantage et décident de proposer des solutions plutôt que de chialer tout simplement. Voilà, c'était mon éditorial sur cette intervention de Mathieu Bocoté ce dimanche à Tout le monde en parle. Dans un deuxième temps, écoutez, je vais vous parler du financement de la CAQ qui, hier soir ou dans les derniers jours, tenait un cocktail bénéfice où il fallait payer, mesdames et messieurs, pas moins de 1 000 $ pour assister à ce cocktail. 1 000 $ selon le directeur général des élections du Québec. Ça, c'est l'entité indépendante qui gère les règles parlementaires. C'est une loi. 1 000 $, c'est le maximum qu'un individu peut donner dans une année à un parti politique. Et là, il y a des gens assez riches qui étaient là, qui ont donné 1 000 $ ce soir-là, et là, on essaie de nous faire croire qu'ils vont donner qu'une seule fois. Ça, c'est discutable, on peut les accuser d'eux, mais évidemment, on peut faire des présomptions plutôt, mais on ne peut pas les accuser. Par contre, payer 1 000 $ pour assister à un cocktail de la CAQ au niveau du financement voilà, du parti, Est-ce que vous pensez qu'à 1 000 $, le parti de François Legault est accessible aux groupes communautaires? Pensez-vous que c'est possible d'aller assister à ce genre de cocktail-là, donner 1 000 $ pour avoir accès à ce futur premier ministre, comme il se prétend, pour faire passer ses idées? Est-ce que à 1 000 $, le couvert pour un cocktail de bénéfices de financement, c'est accessible aux petites gens, à la classe moyenne? La réponse, mesdames et messieurs, mais c'est non. Évidemment que personne, ma mère, mon père, vos voisins, n'iront pas payer 1 000 $ pour jaser avec François Legault. Donc, cet événement-là était destiné au club des millionnaires, au patronat, aux gens riches, ceux qui bénéficient déjà d'une grande part d'influence auprès du gouvernement libéral. Donc, quand on dit que François Legault et Jean Charest, c'est 4,30 pour une pièce, eh bien, c'est 4,30 pour une pièce. Quand François Legault se dit porteur de changement, il tape le mot changement, changement, changement, eh bien, il emploie les mêmes méthodes que le Parti libéral utilise depuis toujours. C'est-à-dire faire des grands événements comme ça de financement à 1 000 $ le couvert. Eh bien, quand on compare les deux nouveaux partis qui sont à l'Assemblée nationale présentement, CAQ, option nationale. CAQ, ça coûte 1 000 $ assister à un événement, option nationale, ça coûte 20 $. Eh bien, pour 20 $, c'était possible à Québec, au Studio P, d'aller discuter avec Jean-Martin Hossan, de lui faire part d'idées. Lui était là pour défendre ses couleurs. 1 000 $, 20 $. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Est-ce que présentement, le peuple a les moyens de se payer 1 000 $ ou 20 $? Lequel est plus à l'écoute des intérêts des individus, des gens de la classe moyenne? Celui à 1 000, celui à 20 $. Donc, j'espère, mesdames et messieurs, que vous ferez votre choix en fonction de ça aux prochaines élections. Quand on parle de changement du côté de François Legault, lorsqu'il parle de sombrer dans les services sociaux, qu'il parle de couper des postes à Hydro-Québec, ça, c'est de la méthode libérale. C'est la même affaire. Et là, n'oublions pas aussi qu'il a été soupçonné de fraude morale au niveau de son financement. Au départ, la CAQ, c'était un organisme à but non lucratif qui a fait du financement en tant qu'OBNL, qui n'est pas sujet à une loi sur le financement, n'est-ce pas? Le DGAQ ne peut pas s'en mêler. Et là, tout d'un coup, après avoir fait des tournées de promotion, faire valider les idées, s'est fait voir dans tous les journaux, sur toutes les tribunes, François Legault. Et là, son OBNL est comme pouf par magie devenu un parti politique. Mais l'argent qui était dans les coffres de l'OBNL, a servi à faire la promotion des idées d'un groupe qui allait devenir un parti politique. Donc, tout ce qui a été fait avant qu'il devienne officiellement un parti politique, c'est pas illégal, mais c'est immoral. Et là, il récidive avec ce 1 000 $-là, par couvert, pour un cocktail de financement. Dernier sujet aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est cette fameuse histoire au niveau des communes à Ottawa. Les dernières élections fédérales auraient été... Et dans les élections fédérales aurait été, mesdames et messieurs, le sujet d'une fraude assez importante. Je vous explique grosso modo, je vais essayer de faire un topo rapide. Vous pouvez lire ce matin dans la page couverture du Voir, il y a un reportage là-dessus de Mme Buzetti qui s'est penchée sur la question. Chantal Hébert en parlait hier également dans sa chronique, toujours dans le Voir. Grosso modo, c'est qu'il y a 17 circonscriptions, surtout en Ontario, en fait, un peu partout au Canada, mais surtout dans l'Ontario, qui ont été, dont les électeurs ont été victimes de deux types d'appels de la part d'agences qui font des appels robotisés. Voilà, c'est des machines, vous avez déjà reçu ça, mesdames et messieurs, vous décrochez, puis c'est une machine qui vous parle. Eh bien, il y a deux types d'appels qui ont été faits. Premier type d'appel, c'était des appels téléphoniques où quelqu'un se faisait passer pour un bénévole du Parti libéral du Canada, et qui appelait à des heures impossibles, soit dans la nuit, soit très, très, très, très tôt le matin, et qui, c'est ça, donc le Parti libéral appelait les gens très tôt le matin ou dans la nuit, ce qui, évidemment, n'est pas très agréable pour les électeurs, ce qui pouvait aussi nuire à l'image qu'on se faisait du Parti libéral. Deuxièmement, et ça, c'est encore plus grave, dans certaines circonscriptions, il y a une agence qui avait été mandatée afin d'appeler les électeurs pour leur dire que leur boîte de scrutin, leur point de vote, leur bureau de vote avait été changé d'adresse. Ce qui était complètement faux. Donc, imaginez, vous êtes appelé, mesdames et messieurs, on vous dit, au lieu d'aller voter, par exemple, au centre Lucien Borne, vous devez aller voter plus loin là, sur le territoire, je ne sais pas, au cégep de Sainte-Foy, mettons. On fait ça. Donc, mais c'était faux. Les gens devaient toujours aller voter au centre Lucien Borne, mais on les a fait déplacer. Donc, ce qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont trompés d'endroit, qui n'ont pas eu le temps de voter, qui n'ont pas voté du tout. Et là, enfin, on ne peut pas vérifier la quantité de personnes, on ne peut pas quantifier le nombre de votants et tout ça. Et si jamais ça l'aurait joué sur les résultats en bout de ligne, finalement, on ne peut pas quantifier ça. Par contre, cette façon de faire-là, qui est du mensonge, en fait, c'est de la fraude électorale, eh bien, c'est une agence qui est employée par le Parti conservateur du Canada. Donc, grosso modo, pour faire une histoire très très courte, le Parti conservateur aurait mandaté des agences de communication afin d'entrer en contact avec des électeurs dans certaines circonscriptions pour leur dire deux choses. Soit on leur disait, on se faisait passer pour des agents du Parti libéral, on appelait dans la nuit ou très tôt le matin question d'importuner les gens et évidemment de nuire à l'image du Parti libéral. Et deuxièmement, soit qu'on faisait des appels frauduleux, mensongers. On disait aux gens, votre point de service pour le vote a été, votre bureau de vote a été changé d'adresse. Vous devez absolument vous rendre à un autre endroit pour voter. C'est du mensonge, c'est de la fraude, je vous le rappelle. Évidemment, Élections Canada est présentement sur le dossier. Enquête, c'est un organisme indépendant, évidemment, c'est comme le directeur général des élections ici au Québec, s'occupe du dossier et s'est penché sur la situation pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que c'est vraiment les partis conservateurs qui ont fait le coup? Est-ce que c'est l'NPD? Bon, évidemment, on n'accuse personne. Par contre, il y a un agent du Parti conservateur qui a dû démissionner il y a quelques jours à cause de la sortie de ces informations-là. Donc, tout laisse croire, tous les doutes planent au-dessus des troubles de Stephen Harper. Et même, on a commencé à appeler ce dossier-là le Harper Gate. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, fraude électorale du côté du Parti conservateur. Là, présentement, aux communes, ça brasse beaucoup. Il y a des débats d'urgence qui ont été demandés, ça a été refusé. Le Bloc québécois, lui, demande même que, et les libéraux plutôt, ont demandé que les résultats de l'élection soient invalidés, soient déclarés illégales dans certaines circonscriptions. Parce que dans les circonscriptions qui ont été touchées, eh bien, il y a beaucoup de conservateurs qui ont été élus au détriment des libéraux et des libéraux qui ont perdu leur siège, ou en tout cas. Bref, ça aurait pu jouer, là, les libéraux auraient pu peut-être, éventuellement, aller chercher des sièges supplémentaires. On ne peut pas, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas quantifier précisément si les libéraux auraient pu aller chercher, mais il y a un doute raisonnable et un doute énorme. Donc, il y a eu irrégularité dans les modes de scrutin. Il y a des méthodes qui sont immorales et illégales qui ont été utilisées par un parti. On ne sait pas encore lequel. L'enquête, les résultats de l'enquête ne sont pas sortis. Mais tous les doutes planent au-dessus de la tête de notre cher premier ministre du Canada, Stephen Harper, et de ses troupes conservatrices. Rapidement, petit résumé de la semaine conservatrice également. Rappelons-nous aussi que le ministère de l'Immigration veut faire passer un projet de loi assez particulier qui fait en sorte que différentes personnes, différents immigrants au Québec, au Canada plutôt, qui auraient reçu leur statut d'immigrant, de réfugié politique, voilà, qui venaient de pays, de régimes oppresseurs, eh ben, qui avaient reçu l'asile politique au Canada et qui, avec les années, ont reçu le statut de résidence permanente, eh ben, maintenant, il y a un projet de loi qui doit être passé par les conservateurs et qui le sera vraisemblablement, puisqu'ils font fi de toute opposition. Eh bien, ce projet de loi-là, mesdames et messieurs, est particulier. C'est que les gens qui sont ici au Canada, qui sont résidents permanents maintenant, qui sont presque citoyens, sont à une étape d'être citoyens, sont résidents permanents et qui sont devenus résidents permanents à cause qu'ils ont obtenu le statut de réfugié politique. Eh bien, on pourrait, chers auditeurs, le ministre pourrait décider lui-même qu'un pays redevienne sûr. Et, à ce moment-là, demander à ces nouveaux résidents permanents-là de retourner chez eux, maintenant que leur pays est sûr. Je vous trace un topo. Imaginez, les Boat People, justement, dont on parlait tout à l'heure dans mon début d'éditorial, eh bien, ces gens-là qui sont dans le quartier Saint-Sauveur, qui sont arrivés après la guerre du Vietnam ou pendant la guerre du Vietnam, d'accord? Évidemment, maintenant, le Vietnam, Cambodge, ce sont des pays qui sont maintenant reconnus comme étant sûrs, voilà, par les Nations Unies et le Canada. Donc, si on en suit le processus, la théorie de cette loi-là, en fait, sa logique, c'est que les gens qui sont dans le quartier Saint-Sauveur, qui sont arrivés, qui ont immigré à cause des régimes et de la guerre là, au Cambodge et au Vietnam, présentement, le gouvernement fédéral pourrait leur demander tout simplement de retourner chez eux. Ça va mieux à la maison, retournez-en chez vous. Ces gens-là ont des enfants, ont des entreprises, ils sont maintenant Québécois, on en a parlé tout à l'heure. Ils se sont investis, ils ont adopté des modes de vie, ils ont partagé des leurs. Ce sont maintenant des Canadiens et des Québécois. Et là, parce que leur pays est redevenu sûr, on va se débarrasser d'eux. On va leur dire, vous pouvez sortir. C'est ça le danger qui guette. Encore une bonne idée de nos conservateurs fédéraux. Et pour terminer, ben aujourd'hui, il y a une nouvelle dépêche qui est tombée. C'est qu'il y a une base dans le Grand Nord canadien sur l'île de l'Esmer, qui était subventionnée par le fédéral également, et sa job à cette base-là, c'était d'étudier les impacts du réchauffement climatique. Eh bien, le financement qui avait été promis pourtant dans le budget 2011 a complètement disparu. L'argent n'est jamais revenu, et cette base-là va cesser ses activités à partir du mois d'avril. Donc, après la chute de Kyoto, le non-renouvellement et même le déni de Kyoto, le reniement de Kyoto de la part des conservateurs, les voici que des budgets promis pourtant, budgétés, pour une base qui étudie le réchauffement climatique dans le Nord canadien, eh bien, ces budgets-là n'ont jamais été acheminés à l'organisme qui tient la base et elle cessera ses activités faute de financement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça présentement qui nous guette. C'est le Canada comme Stephen Harper l'a rêvé et comme on doit le subir, nous, Québécois, qui sommes à peu près contre toutes ces politiques. Donc, voilà, chers amis, hein, devant ces situations qui sont, à mon sens, intolérables, il faut réagir, il faut prendre des dispositions, il faut mettre la main à la pâte. Et justement, ben, au retour de la pause, on va aller rejoindre M. Dominique Champagne, qui invite les Québécois, le 22 avril prochain, à sortir dans les rues pour fêter un printemps québécois. Et puis, ben, il va nous expliquer en quoi son initiative est justement une réponse à ce genre d'initiative et de position, voilà, de la part des conservateurs d'Ottawa, qui, somme toute, briment, je pense, plusieurs de nos valeurs. Donc, comme à notre habitude, petit bloc pub, et au retour, on ira en musique. On va entendre Alpha Rococo et Alexandre Desilets. À ne pas manquer, en mars, à l'Amplique Québec, préparation au studio avec Stéphane Rancourt. Le souffle sonore avec Marie-Louise Bourbeau. Atelier de rédaction de demandes de bourse avec Guillaume Sirois et Geneviève Savoie. Jeu à la caméra avec Jean-Pierre Bergeron. Saisir l'univers d'une chanson avec Serge Lacasse. Le week-end d'Éric Goulet. La relation artiste-gérant avec Hubert Mention. Et enfin, jeu d'écriture avec Reggie Brassard. Amplidequebec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. Les finitions du Conservatoire d'art dramatique de Québec entrent en scène dans Fragments, une création théâtrale collective mise en scène par Marie-Josée Bastien. Ces fragments d'histoire, plus insolites les unes que les autres, sont attachés par une trame qu'on découvre peu à peu avec stupéfaction. Venez voir Fragments. Du 26 février au 4 mars, au Théâtre du Conservatoire, 13 rue Saint-Stanislas. Informations et réservations au 418-643-9833. Billets, 10 $ adultes et 5 $ étudiants. Prix.net. Pour seulement 4 995 $ d'investissement, devenez propriétaire d'une franchise d'entretien ménager commercial. Pour un temps limité, recevez gratuitement un ensemble de départ d'une valeur de 1 500 $. Appelez et profitez de notre spécial au 621-8058 621-8058. À CKRL, Jean-Philippe Boisbriand, Michel Marcoux et Claude Brindamour vous entraînent dans leur univers surprenant et éclaté des tontons scalpeurs. Les mercredis, 20h30, seulement au 89.1. 89.1. Les gens autour de moi ne comprennent pas comment j'ai pu arriver à justice à Québec. We'll be right back. sérieux. Il y a d'horribles gens qui tuent au nom de Dieu. Il y a d'horribles gens qu'on écoute bêtement. Il y a d'horribles gens qui profitent des autres. Il y a d'horribles gens à qui c'est jamais la faute. Il y a d'horribles gens qui rient des malheureux. Il y a d'horribles gens et il y en a des pires que. Il y a d'horribles gens qu'on aime aveuglément. Il y a des millions de gens horribles. Il y a des millions de gens brûlés par des gens horribles. Il y a d'horribles gens. Il y a d'horribles gens. Il y a d'horribles gens. Il y a d'horribles gens. Il y a d'horribles gens. Il y a des scélérats. Il y a d'horribles gens. Perfides, etc. Il y a d'horribles gens qui fabriquent des armes. Il y a d'horribles gens prêts à vendre leur âme. Il y a d'horribles gens qu'on dit les présidents. Il y a des millions de gens. Sur les ondes de CKRL avec d'horribles gens. Juste avant, on avait Où vent nous mène Alexandre Desilets. Alexandre Desilets qui a déjà été à Québec ici pendant quelques années, que je connais un tout petit peu, donc je le salue s'il est à l'écoute. Là-dessus, mesdames et messieurs, ben écoutez, je vous annonçais en début d'émission que nous allons recevions en ondes avec nous par téléphone M. Dominique Champagne. Dominique Champagne qui est metteur en scène, qui a travaillé avec le Cirque du Soleil, entre autres, pour Varécaille, Love, sur Love des Beatles. C'est lui qui a travaillé là-dessus en mise en scène. Avec René Richard Cyr, il s'est occupé aussi de Humanity, qui est à l'affiche à Vegas. Et on lui doit aussi le beau pageant, sa vision de l'Odyssée d'Homère. Et pour terminer, il y a presque 20 ans de ça, il a écrit un texte marquant, je pense, pour la littérature québécoise, notre dramaturgie, c'est Cabaret Neige Noire, qui est peut-être le texte No Future le plus important qu'on ait vu naître ici. Donc, Dominique Champagne, bonjour. Salut, merci de la présentation. Je voudrais dire aussi, petite parenthèse, que j'ai lu aussi une émission assez au début des années 80 qui s'appelait L'Entre Maudit, que j'ai lu avec André Lamar, qui était un des co-fondateurs de mon théâtre. Alors, ça me fait plaisir de saluer tout le monde de ces carrières. Et tous les auditeurs. Évidemment, ben, on est dans le début des célébrations du 40e anniversaire. On a fêté le 39 ans il y a deux semaines, si ma mémoire est bonne, la semaine dernière plutôt. Donc, les grandes célébrations qui s'en viennent. Donc, ben, Dominique, justement, on va parler de l'implication. La semaine dernière, j'avais Christian Vanasse des Apartistes qui nous disait que pour lui, bon, c'était important. Lui, ça allait de soi qu'un artiste devait s'engager là, au niveau, devait porter un certain message. Est-ce que c'est la même chose en ce qui vous concerne? J'ai pensé, j'ai j'avais cette phrase de Sergi Litvin que citait Félix Leclerc dans ses spectacles vers la fin de sa carrière. Il disait « En se retirant dans sa tour d'ivoire, l'artiste risque d'abandonner le monde aux mains des mercenaires, des nullités, sinon des fous. » Et moi, j'ai rencontré l'an dernier, dans l'industrie gazière qui commençait à envahir le territoire où on habitait, là, entre Québec et Montréal. Moi, je passe mes étés à une heure de Québec. J'ai vraiment senti que les mercenaires dont il était question dans la citation de Félix Leclerc, de sa génitine, ça avait lieu. Et j'ai un beau-père qui est ingénieur minier toute sa vie, qui est un saint homme, qui va en messe à tous les dimanches. C'est un gars de Québec, d'ailleurs, Gérard Castonguay, qui a maintenant 81 ans, et qui me dit « Faut les surveiller, on sait qu'il y a du gaz, et puis... ça risque d'être salaud, c'est une technique nouvelle, c'est dangereux, alors faudrait voir, peut-être que ça peut se faire, mais il faudrait quand même avoir un certain esprit critique. » Alors, moi, est-ce que c'est l'artiste en moi qui s'est tenu debout? Est-ce que c'est le citoyen? Je sais que depuis ce temps-là, j'ai partagé ma vie avec des producteurs laitiers, des producteurs maraîchers, des plombiers, des sculpteurs, des gens de toute espèce. C'est sûr que les artistes, on a le crachoir, on a... après-midi, vous allez peut-être interviewer, ça vous intéresse peut-être plus d'entendre parler des artistes ou des noms, des gens qui ont des petits noms ou des gros noms que le plombier du coin, mais il reste que je pense que les artistes, en fait, comme n'importe quel être humain, doivent faire son travail de citoyen. Moi, je suis de corvée dans toute cette histoire-là. Je peux pas dire que je fais ça de gaieté de cœur pour me rendre intéressant, mais à un moment donné, on sent que il faut faire notre devoir. A priori, moi, je me disais, bon, ben l'industrie me semble un peu arrogante, le gouvernement un peu complice, mais peut-être qu'il y a un intérêt à développer ça. Alors, je me positionnais pas nécessairement contre, mais avoir, d'une part, la façon dont l'industrie a procédé, je trouvais ça un peu louche. Et en étudiant bien le dossier, je prétends pas aujourd'hui que je suis un scientifique, là, mais j'ai étudié assez à fond le dossier, j'ai participé aux travaux du BAP, comme beaucoup de mes concitoyens, pour en arriver à voir que les questions que le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de bon sens et qu'il n'était pas légitime, en fait, étaient très légitimes, très pertinentes, au point que le Bureau des audiences publiques a décidé de mettre une sorte de frein. On a parlé de quasi-moratoire. En fait, il n'y a pas de moratoire. Il faut nommer les choses comme elles le sont. Mais il y a quand même eu une certaine victoire de l'opinion publique ou de l'intérêt citoyen qui a réussi à mettre un frein, un holà à l'industrie gazière. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que ça me fait voir, c'est que, après avoir passé un an d'engagement comme artiste, mais comme citoyen dans cette histoire-là, je vois tout ce qui se passe avec Kyoto, avec le pétrole, en Gaspésie, aux îles, Anticosti, avec le plan Nord, le développement des mines, le développement d'uranium, dont Jean Charest ne parle jamais, avec le retrait du Canada de Kyoto pour couvrir les sables bitumineux, je me dis... Il y a quand même une joute assez importante qui est en train de se passer sur le plan de l'exploitation de nos richesses, de l'utilisation de nos richesses. Et je ne suis pas sûr que ça se fasse dans l'intérêt du bien commun. Pourtant, les richesses naturelles appartiennent à tout le monde. Donc, le profit de cette exploitation-là devrait servir tout le monde. Et aussi, il faudrait s'assurer que ce développement-là, s'il se fait, il se fasse dans le respect des populations. Présentement, là, il y a du monde à Malartic qui sont extrêmement malheureux et souvent, c'est les pauvres qui payent pour les abus. Alors, on dit là que ça coûterait 3-4 millions à l'industrie pour dédouaner ceux qui, en Malartic encore, sont victimes de l'exploitation de la mine d'or, là, ce qui a lieu sous la ville, qu'on a déplacé les maisons, on connaît l'histoire. Mais moi, je me dis, il y a un peu plus de justice qui doit se manifester dans la façon d'opérer. Et là, je deviens un peu plus critique par rapport au plan Nord, où oui, bien sûr, c'est merveilleux de développer nos richesses naturelles, mais assurons-nous que ça se fasse selon les valeurs qu'on a. C'est pas compliqué. Moi, je suis pas un chialeux professionnel. Je veux pas me faire catégoriser dans cette gang-là. C'est sûr que des fois, on peut être un peu indigné, mais je me dis, si ça doit se développer, ça doit se développer au profit de tout le monde et non pas au profit de quelques-uns. Ça doit se développer de concert et avec le respect des citoyens qui habitent là et des citoyens qui sont copropriétaires de la richesse. Ça doit se faire en harmonie avec la nature. On a évolué depuis une génération ou deux selon dans notre conscience, dans la conscience qu'on a dans nos rapports avec l'environnement. Il pleuvait la semaine dernière à Montréal. On patine plus comme on patinait il y a 25 ans dehors, en plein hiver. Il y en a un réchauffement climatique. Il y en a des causes réelles, là. Et puis, je me dis donc, le développement, il doit se faire harmonieusement. Et là, je trouve que l'intérêt privé qui prétend nous créer de la richesse pousse un petit peu fort et que le gouvernement a besoin d'un petit coup de pouce des citoyens pour faire en sorte que les choses se passent un peu mieux. Alors moi, j'en appelle à un grand rassemblement le 22 avril prochain. C'est le jour de la Terre partout au Québec. J'invite les gens de tout le Québec à se rassembler à Montréal, mais ça serait bien aussi que le 22 avril à 2 heures, je fais le rêve qu'on j'étais avec les gens de l'archevêché de Montréal. Là, j'invite tous ceux qui peuvent être à l'écoute, qui travaillent, qui œuvrent dans des églises ou qui sont près des églises. On devrait faire sonner les cloches le 22 avril de toutes les églises du Québec à 2 heures, se rassembler sur les parvis de nos églises ou dans la rue, pour dire à quel point on est attaché à la Terre, que c'est important pour nous que le développement de nos richesses collectives se fasse correctement, dans le respect des gens, au profit de tout le monde, en harmonie avec l'environnement et en considération pour les générations qui s'en viennent. C'est des ressources, c'est des réserves qui sont pas renouvelables. Alors peut-être que si on donne un coup puis qu'on exploite toute une mine pendant 10 ans, peut-être qu'il faut travailler un peu différemment pour que les choses aillent mieux. Tu sais, j'ai envie de vous parler du modèle norvégien et du modèle suédois. Les Suédois ont décidé depuis quelques années de s'affranchir complètement du pétrole. Il y a un énorme projet de société qui veut qu'on mise sur l'économie de l'énergie, sur des énergies vertes, et qu'on s'affranchisse dans les transports, dans l'industrie, de l'utilisation du pétrole, du mazout, qui est une énergie fossile, rétrograde, sale. À côté de la Suède, il y a un pays qui s'appelle la Norvège qui a des ressources énormes en pétrole et qui a décidé collectivement de procéder à l'exploitation de son pétrole. Et aujourd'hui, les Norvégiens se retrouvent avec un fonds pour les générations de 600 milliards de dollars parce qu'ils ont travaillé intelligemment dans l'exploitation de leurs ressources au profit de la communauté. Moi, je me dis, là, en regard de ce qui se passe présentement avec nos ressources naturelles, en regard du grand succès que Hydro-Québec a été, avec le plan Nord qui s'en vient ou qui est en cours présentement, il y a sûrement quelque part entre la Suède qui s'affranchit du pétrole et la Norvège qui s'est rendue riche grâce au pétrole, un modèle québécois dont on pourrait être fier dans la façon d'utiliser nos ressources. Avec Hydro-Québec, on a fait la preuve qu'on sait faire, qu'on a un savoir-faire et qu'on est capable d'utiliser adéquatement notre potentiel, même si Hydro-Québec n'est pas parfait. Moi, j'aimerais ça que on en profite là après un an, après Fukushima, pour se dire, si on ferme ça, on n'a pas besoin du nucléaire. Au Québec, c'est 2% de notre bilan énergétique. On se ferait pas 2% d'économie d'énergie, là, on n'aurait plus besoin d'utiliser Gentilly. Enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je lance encore une fois un rendez-vous à tout le monde le 22 avril à 2 heures. Oui, parce qu'au niveau du mouvement, du modèle norvégien, suédois et tout ça, on a commencé à en entendre parler de plus en plus. En fait, quand on s'intéresse un petit peu à toutes les questions sociales et environnementales, ça revient souvent. Comme par exemple, il y a une vidéo qui circule beaucoup là, présentement sur les réseaux sociaux, entre autres Facebook. C'est sur le modèle d'instruction finlandais, qui est complètement gratuit là, de la maternelle jusqu'à la toute fin des études. Et même la bouffe, les enfants vont à l'école, ils sont nourris gratuitement par l'État. Absolument. Aujourd'hui, là, la Norvège, avec le fonds qu'ils ont pour les générations, là, leurs étudiants qui veulent pousser leurs études universitaires sont pas dans la rue en train de réclamer un certain esprit de justice pour pouvoir pousser leurs études. Alors, c'est pas une question strictement qui s'adresse aux experts, à ceux pour qui... Il faut être solidaire, c'est l'ensemble de nos richesses, alors il faut s'occuper de notre trésor. C'est une de nos principales sources d'enrichissement. Il faut s'en occuper comme il faut, puis défendre les valeurs légitimes, honnêtes, qui ont juste du gros bon sens, et de les imposer. Je pense là-dessus, le gouvernement a besoin d'un petit coup de pouce. Alors, vraiment, moi, j'insiste, du plus profond de mon cœur, je donne rendez-vous le 22 avril. Mettez ça à votre agenda, tout le monde, à 2 heures. On va se faire un printemps tranquille. Il ne s'agit pas d'aller casser des vitrines ou de mettre le feu nulle part. Il s'agit juste d'imposer le respect. C'est le jour de la Terre. Faisons-nous un rassemblement fraternel, familial, pour témoigner de notre attachement à la Terre, puis de l'importance qu'on accorde à un développement adéquat de nos richesses. Je pense que vous avez parlé de la Finlande, on a parlé de la Norvège, de la Suède. Il faut se comparer aux meilleurs. C'est possible qu'on peut être les meilleurs. On est les champions du monde dans le partage des richesses. On est une des sociétés au monde où les inégalités entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, sont les moins criantes. Il faut protéger ces valeurs-là. Puis là, c'est un petit peu menacé dans la manière dont on se développe par les temps qui courent. Il faut réaffirmer que on est attaché à des valeurs progressistes, à des valeurs fraternelles, à des valeurs d'égalité qui nous tiennent à cœur. Et je pense que la question des richesses naturelles et du partage de la richesse doit être au cœur de nos vies dans les prochains mois. Dominique, j'ai deux grosses questions, en fait. Oui. La première, c'est très philosophique, là. Je veux dire, comment on en est venu à ça au Québec, parce que faut se comparer au meilleur. C'est drôle parce que avant même d'entrer en onde, 10 minutes avant, j'avais une discussion avec du personnel ici, et là, au niveau des frais de scolarité, on disait « Oui, mais dans les autres provinces, ils paient plus cher, et puis tout ça, on pourrait faire mieux. » Écoutez, on se compare toujours à pire. Moi, là, je réponds toujours ce que mon père me disait. « Ben oui, ton meilleur ami, s'il va jeter, il se jette en bas du pont, tu vas-tu y aller? » Alors, c'est sûr qu'il faut pas suivre les pires exemples, il faut suivre les meilleurs, et ça, je suis assez d'accord. Comment on en est venu au Québec, Dominique? Parce que les c'est là que je me ramène à Cabaret Neige Noire. Est-ce que cette pièce de théâtre qui parle d'une espèce de non-confiance en l'avenir, est-ce que ce thème de non-confiance en l'avenir qui était au cœur de l'après-référendum 80 est toujours ancré en nous? Sinon, d'où ça vient ce relâchement, là, cette espèce d'abandon et de cynisme qu'on vit ici au Québec présentement? Ben moi, je pense que le temps est venu de... ça fait longtemps qu'on est cynique. Je pense que le temps est venu de ramener le rêve à l'état, d'aller à l'ordre du jour, qu'on partage des idéaux. Moi, j'ai 3 enfants. Je veux pas être cynique par rapport à l'avenir du monde. Je veux être optimiste. Bien sûr, je suis inquiet comme tout le monde, mais je pense qu'il faut réaffirmer très, très fort les valeurs. Et on l'a, l'esprit de corvée, on l'a, l'esprit de fraternité au Québec. Ça a fait ses preuves. Le printemps dernier, quand le Richelieu a débordé, là, il y a eu des milliers de personnes qui sont allées donner un coup de main. On est capable de faire ça. Encore une fois, je trouve que il faut regarder l'énorme succès et l'énorme effort démocratique que ça a été quand on a nationalisé l'électricité au Québec, puis qu'on a fondé Hydro-Québec, ou enfin qu'on a donné toute cette importance-là à Hydro. Aujourd'hui, les Grecs ont une situation au niveau de la dette à peu près comparable à celle du Québec, et ils se font complètement sortir du portrait. Là, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de misère présentement en Grèce. Et la situation des Québécois à quelque part, se rapproche de celle de la Grèce à une différence énorme. Nous sommes propriétaires d'Hydro-Québec, une compagnie qui vaut des milliards de dollars, et c'est ça qui fait qu'on continue d'avoir une santé financière, même s'il y a des problèmes importants à régler avec la dette. Puis bien sûr qu'il faut que l'argent rentre. Et imaginons, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors moi, je dis, avec le potentiel minier, le potentiel pétrolier qu'on a et le reste, il faut bien utiliser nos richesses, parce qu'il y a des prix à payer. Tu sais, il est possible qu'il y ait une marée noire aussi à l'île d'Anticosti, aux îles de la Madeleine, puis on ne sera pas plus avancé, on ne sera pas plus riche tantôt quand il va falloir nettoyer tout ça. Alors, non, parce que les compagnies ne nettoient pas. Assurons-nous qu'on a un bon débat de société, puis qu'on prend nos choses, notre destin en main. OK, Dominique, et là, ça m'amène, c'est bien comme fin de réplique, ça m'amène à ma deuxième grande question. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure, il faudrait qu'on s'unisse toutes pour donner un petit coup de pouce au gouvernement. J'ai un peu de misère avec cette phrase-là, moi. J'explique pourquoi. Parce que je trouve que le gouvernement, on donne pas un coup de pouce au gouvernement. Moi, dans ma tête, dans la façon dont je perçois les choses, nous sommes le gouvernement. Nous sommes le gouvernement, mais là, on a des élus qui, on n'est pas trop sûr qu'ils nous représentent. Assurément, en tout cas... Pourtant, on a voté pour. Au Québec, à Ottawa, on se sent pas tellement bien représenté par les valeurs qui décident présentement et qui sont en train de prendre des décisions importantes. Alors, vous savez, là, on est en train de couper partout au gouvernement du Canada, dans les programmes sociaux, dans le soutien à la recherche scientifique, le soutien aux arts, à la télévision publique, les soutiens à un paquet d'organismes qui distribuent la richesse, qui militent pour que les droits des femmes, les droits des pauvres soient défendus. Et en même temps, on investit dans les prisons et dans l'armement. Et on subventionne l'exploitation du pétrole. Moi, je me reconnais pas dans ces choix politiques-là. À Québec, je pense qu'on a un gouvernement qui me permet de le dire, je pense que le gouvernement fait des efforts. Je pense qu'on peut saluer l'effort de Jean Charest d'ouvrir les trails avec le plan Nord. Mais par ailleurs, je pense qu'il faut vraiment être beaucoup plus... On peut faire beaucoup mieux que ce qui est sur la table présentement. Et quand je dis donner un coup de pouce, c'est qu'il faut que la pression sociale s'accentue sur les gouvernements. Il faut qu'on s'unisse. Et je pense qu'il faut aussi reprendre confiance dans le fait que nous sommes la richesse et nous autres, collectivement, on est capable de faire bouger les choses. Alors qu'on arrête de se dire que l'État n'a pas de bon sens puis qu'on n'a pas confiance dans le contrat social. Je pense qu'on a fait la preuve au Québec que l'État a pu servir beaucoup, beaucoup les intérêts de la majorité d'un système de santé, un système d'éducation. Bien sûr, il y a bien des choses à parfaire, mais la dernière chose à faire, c'est de se déposséder des richesses qui nous appartiennent. Dominique Champagne, est-ce que je peux vous demander, j'ai une question très indiscrète, Oui. La prochaine fois que vous allez dans un isoloir pour l'Assemblée nationale du Québec, qui aura votre appui? À qui allez-vous donner votre appui? Sincèrement, là, je ne le sais pas. Je vais attentivement étudier les propositions dans les prochains mois. Ça va être intéressant. Les trois partis, il y a trois partis politiques qui sont nés à nez. Québec solidaire aussi, le quatrième parti, défend des valeurs auxquelles je suis très sensible. Et je suis très interpellé parce que j'ai souvent eu des convictions très arrêtées. Et là, j'en ai, vous pouvez m'entendre, là, par rapport à la question des richesses. Mais assurément, moi, je vais voter pour le parti politique qui va me donner confiance le plus possible dans une juste exploitation de nos richesses naturelles, qui va tenir en compte des valeurs de respect de l'environnement, de respect des citoyens, de partage de la richesse et d'intérêt des générations futures. Ça, c'est certain que ça va être ma grille d'analyse pour la prochaine élection. Et l'entrevue tire à sa fin, Dominique. On va faire un petit changement de sujet rapide. Au niveau carrière artistique, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines années? Ben moi, j'ai l'air d'avoir une double vie, là, mais j'ai 7 spectacles sur la route cette année. Mon spectacle avec Benoît Brière sur l'œuvre d'Yvon Deschamps connaît une tournée. Je ne veux pas péter bretelles en disant que c'est triomphal, là, mais c'est vraiment un grand, grand succès. J'ai fait deux spectacles cet automne à Montréal, au Théâtre du Nouveau Monde. Et je reprends un spectacle qui s'appelle « Tout ça m'assassine » à la fin du mois de mars au Théâtre Outremont. Et puis, j'ai un spectacle qui s'en vient à Québec, là, l'Odyssée que j'ai adapté, l'Odyssée d'Homère que j'ai adapté avec Alexis Martin, sera à l'affiche au Trident au mois d'avril. Une reprise? Je vais être suivi sur trois spectacles au Cirque du Soleil avec qui je brasse quelques autres projets. Alors, non, il y a beaucoup de pain sur la planche. J'ai des pièces en chantier. Ça lâche pas trop tôt. En fait, ça me sort par les oreilles, mais j'essaye aussi de faire ma corvée de citoyen à travers ça. Vous avez reçu l'appui de Lise Payette, qui, dans un éditorial, il y a quelques semaines, dans Le Voir, il n'y a pas si longtemps, en fait, donnait un appui et invitait les gens à sortir dans la rue le 22 avril. Est-ce que vous avez parlé avec Mme Payette? J'ai fait parvenir à un certain nombre de personnes une déclaration de principe que j'aimerais voir signée par des gens de tout horizon, et elle a sûrement été sensible à mon appel. On m'a remis il y a deux semaines le prix de l'artiste pour la paix de l'année 2011. Alors je me suis servi un peu de cette, je suis un peu opportuniste des fois dans la vie, de cette occasion-là ça, pour lancer un appel à un rassemblement du 22 avril, et Mme Payette, elle l'a relayé, comme j'espère que tout le monde va le relayer. Il faut passer le mot, hein. Il faut sortir des chaînes aussi gauche-droite, fédérale, provinciale. Je pense qu'il faut dire, là, nous sommes réunis, ça nous appartient, et ça transcende bien des lignes partisanes, là, cette nécessité qu'on se laisse pas déposséder de nos richesses et de nos valeurs. Dominique, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est très apprécié comme intervention. C'est moi qui vous remercie. Alors, je redonne rendez-vous le 22 avril à 2h. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, donner un coup de main, avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur le site web 22avril.org. Donc, 22avril.org. Et la déclaration que vous aviez, dont vous parliez avec Mme Payette, est-ce que c'est possible pour les citoyens de la signer par le web? Oui, ça sortira le sous peu. Je ne sais pas quand exactement, d'accord, mais ça va sortir publiquement là, dans les prochaines semaines. Très bien. Alors, un immense merci. Bonne fin de journée. Et puis, c'est moi qui vous remercie. Bon courage pour le reste. Merci. Salut. Au revoir. On vient de parler avec Dominique Champagne, metteur en scène émérite, très occupé, comme on l'a entendu, travaille sur des spectacles de prestige comme Love au Cirque du Soleil, l'Odyssée d'Homère également, que personnellement, moi, j'ai vu et qui est une expérience formidable. Si vous passez par le Trident là, l'an prochain, lorsque ça passera, je vous invite à y aller. Et qui est ancien animateur à CKRL, on vient d'apprendre ça. Donc, encore une personne comme Hugo Latudette nous parlait aussi, qui était très attaché à CKRL à l'époque. Donc, un autre qu'on peut mettre dans les grands noms qui ont passé ici. Donc, chers amis, n'oubliez pas le 22 avril, c'est une espèce de printemps québécois pour la Journée de la Terre. Question que notre groupe citoyen, notre peuple sorte dans les rues pour signifier qu'il veut reprendre en main la situation de ses ressources naturelles et de l'environnement. Donc, à suivre sur les internets, les ondes télé et évidemment les ondes radio et sur le papier journal. Donc, comme à notre habitude, petit bloc pub et s'en suivra deux chansons. On va entendre du Antoine Gratton et du Daniel Boucher. Et puis, au retour, on va rejoindre Guillaume Wagner pour l'éditorial de la semaine. L'Impérial de Québec présente Majo.

ressemble un brin. Coudon, coudon, monsieur, wabou, ribou, te ferais-tu du jouage de game? D'être toi-même, te priverais-tu beaucoup? Te ferais-tu carême? Voyant le wabo hibou dans le miroir de la salle de bain, j'eus soudainement le goût de mes questions mettre fin. Coudon, monsieur wabo hibou, ton accent te cause-t-il le problème? Te piques-tu drette dans le voodoo? Te nies-tu toi-même? Tu es-tu dans le tard? Perds-tu? Es-tu dans le tard? Es-tu perdu? Es-tu vendu? Sur les ondes de CKRL 89.1. Vous êtes toujours à l'antenne de La Fausse Patte, édition 29 février 2012. 29 février, journée rare. On est très chanceux d'être en ondes en cette belle journée d'hiver, hein, très ensoleillée. En ouverture, eh ben, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, eh ben, j'ai fait mon trio éditorial sur trois nouvelles qui ont marqué l'actualité cette semaine. Mais d'abord, je faisais une réplique à Mathieu Boccoté à son propos tenu lors de Tout le monde en parle dimanche soir sur la nouvelle sur le financement de la CAQ, hein, découvert à 1 000 $. Alors, à savoir si ça s'adresse aux riches ou aux pauvres, ce genre de parti-là, ben, c'est à vous de juger. Et dernièrement aussi, j'ai parler de ce fameux scandale là, des appels téléphoniques robotisés, tordus un peu, là, qui ont été faits dans certaines circonscriptions, surtout en Ontario, lors des élections du 2 mai. Alors, ces appels qui disaient à certains électeurs que leur bureau de vote avait changé d'endroit, eh ben, entre autres. Et là, évidemment, ben, l'Élection Canada est sur le dossier et c'est un employé conservateur qui a été poussé à démissionner à cause de ce scandale-là. Donc, évidemment, les soupçons sont tous tournés vers le gouvernement Harper. Et Dominique Champagne nous a parlé de son printemps québécois du 22 avril prochain, jour de la Terre. Eh bien, aujourd'hui, notre éditorialiste invité, il s'appelle Guillaume Wagner, il est humoriste, il est au bout du fil présentement. Comment ça va, Guillaume? Ah, très bien. Merci beaucoup, Guillaume, d'être avec nous autres aujourd'hui. C'est super de prendre un peu de temps pour jaser avec nos auditeurs. Ben, ça fait plaisir. Je trouve ça le fun de parler à une radio de Québec sans ton hostile. C'est rare que je vais le prendre. Bon, ben écoute, merci beaucoup, hein, parce qu'évidemment, on le dit souvent, c'est à La Fausse Patte depuis le début. Notre but, c'est vraiment d'offrir un discours, un contrepoids, hein, un contrebalancier au discours officiel de la radio de Québec. Donc, merci beaucoup d'en faire partie. Donc, Guillaume Wagner, dont l'année 2011 a été très, très, très, très, très importante. Hein, une grosse année. Révélation de l'année ou Juste pour rire. L'Olivier de la révélation de l'année également, présent à la télé à un gol soir et tout ce qui s'ensuit. Alors, ça va bien pour toi? Ben, ça va très bien. Ouais, ben, c'est ça. Ça a été quand même l'année charnière. Moi, ça fait longtemps quand même que je fais ça. Ça fait 6 ans. Ça va faire 7 bientôt. Fait que j'ai travaillé fort longtemps, mais c'est vraiment l'année passée que tout a basculé. Puis quand ça bascule, tout bascule en même temps. Là, tout s'est enchaîné. Là, il y a des apparitions télé. Je t'ai invité à plein de trucs. C'est tout d'un coup, je peux dire non à des affaires. C'est ça qui est, ça qui est le fun. Avant, il fallait que je coure après les gens. Maintenant, ils appellent, puis je dis non. Intéressant, c'est intéressant. Guillaume, écoute, on qualifie ton humour d'humour trash, hein, c'est le terme qu'on utilise souvent. De toute façon, c'est Jean-François Mercier qui a comme été un peu ton mentor au début de ta carrière, lors de ta percée. Il a souvent dit que tu étais, là, selon lui, là, l'humoriste à surveiller dans les prochaines années. Et puis Jean-François Mercier, évidemment, est reconnu pour son ton très, très... Les gens disent vulgaire, moi j'aime pas vulgaire, là, c'est cru. Mais est-ce que tu réponds quoi, toi, à ça, quand on te traite de trash? Ouais, ben moi je le prends parce que tu sais, moi l'humour, en fait, c'est ben, l'humour stand-up que j'aime, moi, c'est quand je sens que c'est complètement la personne qui me parle, c'est son point de vue, c'est sa personnalité. Puis moi, dans la vie, je fais pas dans dentelle non plus, là, tu sais. Ça m'arrive de sacrer comme n'importe qui, ça m'arrive d'être vulgaire, d'être déplacé. Je trouve ça drôle. Moi, je suis le même dans la vie. Fait que si je n'étais pas sur scène, ça serait malhonnête, ça serait pas vrai. Fait que moi, je veux que ce soit le plus vrai possible. Puis moi, je pense que les gens, en général, connectent avec ça. Tu, pour faire de l'humour, faut que tu viennes chercher les émotions des gens, puis c'est en étant vrai, c'est en étant cru, c'est en étant proche du monde que tu vas aller les chercher dans leurs émotions. Tu peux pas... Tu sais, Sol, là, c'était bien bon, là, mais il y a personne qui s'est pogné les côtes en riant tellement parce que ça, l'était hilarant. Là. C'était plus genre de la finesse, puis c'était subtil, puis les gens appréciaient. Mais un vrai bon gros rire, je trouve que c'est assez rare que c'est avec des mots d'esprit ou de la finesse. Fait que moi, j'aime ça quand c'est cru, puis c'est direct. C'est ce que j'aime. Est-ce que tu considères qu'un humour comme le tien se prête mieux justement à traiter de sujets sociaux et à prendre position? Ben, je pense que oui, parce que la manière que je le fais, c'est pas conscient. Non, c'est un peu conscient, en fait. C'est que j'essaie de dire ce que je veux dire, de pas passer un message, j'aime pas le terme, mais j'essaie de donner mon point de vue, de donner mes opinions, mais qu'en même temps, quelqu'un que mes opinions n'intéressent pas, il a eu du fun quand même, tu sais. Il trouve ça quand même drôle. Il a quand même du plaisir à m'écouter, même s'il n'est pas d'accord avec mes opinions. Fait que je pense que c'est une bonne manière, justement, de passer certains trucs qui ne passeraient pas normalement. Tu sais, moi, je parle de souveraineté en show, puis c'est pas tout le monde là, que ça intéresse. Là. Des fois, là, je sens que épineux, les gens, ils se crispent, mais je le fais d'une manière que tout le monde trouve ça drôle, finalement. Puis vraiment tout le monde, là. Tout le monde embarque dans le truc, soit d'accord ou pas avec moi. Fait que je pense que c'est une bonne manière de rassembler les gens. Ça a l'air bizarre à dire, mais être vulgaire, ça rassemble le monde. ben, de toute façon, je sais pas qui disait ça, là, mais de toute façon, une joke de pète, il y en a dans tous les films de Disney. Fait que c'est rassembleur, tu sais, des choses. Oui. Il faut. D'ailleurs, Christian Vanasse, la semaine dernière, il disait que le rire dans les changements sociaux, dans les révolutions, a toujours une grande place. C'est très important parce que ça permettait aux spectateurs de relativiser les choses. Est-ce que tu as l'impression que. Est-ce que toi, d'abord, c'est un point de vue que tu partages, premièrement? Et deuxièmement, si tu le partages, est-ce que tu l'utilises quand tu écris tes choses, par exemple? Quand tu décides de choisir un tel ou tel sujet? Ben, je ne sais pas si ça relativise des choses, mais moi, en fait, je m'en sers souvent pour enlever du pouvoir à des choses que je pense qu'il ne devrait pas en avoir. Puis pour moi, c'est un peu ça, l'utilité de l'humour, c'est ramener des trucs, ramener ça plus humain. Des fois, il y a des choses que je suis pas d'accord, que ça devrait pas avoir de pouvoir, fait que je le ridiculise, j'y enlève du pouvoir, puis ça me fait du bien juste à moi, puis je pense que ça fait du bien aux gens qui m'écoutent aussi. Exemple. Pour moi, ça sert à enlever du pouvoir à certaines personnes, à certains sujets, à certains mouvements sociaux. Puis oui, j'imagine que ça relativise les choses quand tu y enlèves du pouvoir. Exemple, à qui t'as déjà enlevé du pouvoir dans un de tes numéros? Ah, ben écoute, tout ça, puis en ce moment je travaille sur un bit qu'on appelle dans le langage humour sur les vedettes de Star Academy puis tout ça. Puis j'essaie de leur rendre. Je trouve qu'ils ont trop de pouvoir, je trouve qu'ils ont trop de sympathie des gens pour ce qu'ils sont, parce que ça reste quand même des bons petits enfants de bonne famille, inintéressants. Et que j'essaie de montrer cet angle-là aux gens pour qu'ils fassent comme moi. Tu sais, finalement, pourquoi je tripe tant sur quelqu'un qui est probablement moins cool que moi dans la vie? Mais c'est des petits sujets comme ça. Moi, je m'intéresse à des sujets banals. Ça peut être aussi un sujet politique important, comme justement la souveraineté. Parlant de souveraineté, tu t'affiches officiellement partisan, voilà, d'Option nationale. Est-ce que pour toi, est-ce que pour toi, justement, quand je m'en allais à Dominique Champagne tout à l'heure, est-ce qu'il allait voter pour quelqu'un, lui, il ne pouvait pas dire. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens, souvent des artistes, qui sont un peu frileux de prendre position aussi fermement, aussi clairement. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te fait peur ou vraiment tu trouves ça important, justement, pour bien montrer ta couleur aux Québécois ou aux Québécoises? Ben moi je le fais parce que je suis honnête puis que ça me dérange pas, mais je pense pas que les artistes sont frileux, honnêtement. C'est beaucoup plus décevant que ça. C'est que les artistes ont pas, il y a beaucoup d'artistes, en tout cas moi que je connais, qui ont aucune opinion là-dessus puis que ça les intéresse pas, tu sais. C'est aussi triste que ça. C'est pas, il y a pas personne, en tout cas peut-être qu'il y en a, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens là qui sont cachés, qui sont comme, j'ai mes opinions, je les garde pour moi, puis je vais peut-être les sortir au moment opportun, mais il y en a pas beaucoup. Moi, je ne sais pas rencontrer. Les gens qui se prononcent pas, les artistes qui se prononcent pas, c'est que ça les intéresse pas, tout simplement. Je pense, personnellement. Puis moi, ça m'intéresse, c'est que je me prononce là-dessus, puis je m'affiche. Mais ça pas, pour moi, ça n'a pas un impact énorme. Je fais du mieux que je peux, j'essaie de t'aider comme que je peux, mais je pense pas que ça a un impact énorme. Est-ce que tu penses que ça peut te nuire, par exemple, dans ta carrière, dans le fait de te faire engager? Je sais pas, moi, que tu puisses... Justement, tu fais un numéro contre Star Academy. Est-ce que tu penses que, par exemple, je sais pas, moi, ça pourrait t'empêcher de passer plus à TVA, mettons? Probablement. Mais en fait, à date, non. Peut-être, mais c'est ça, tu le sauras jamais. Il y aura jamais personne qui va t'appeler et qui va te dire « Hey, on avait pensé à toi pour faire un truc. T'aurais été millionnaire, mais finalement, mange la merde. On écoutait telle affaire, tu sais. » Ils vont pas te le dire, mais je me rends compte que des fois, peut-être ça me bloque des affaires. J'ai eu un souper récemment, justement, avec ceux qui bookent mes shows, puis ils bookent plein de spectacles, justement, des gens de Sport Académie. Puis autour de la table, il y avait genre Maxime Landry, William Delaurier, puis toi? Je sais plus trop qui d'autre. Là, j'ai réalisé que j'avais fait une joke chienne sur tout le monde autour de la table. Fait que ça fait plus des malaises que d'autres choses, mais je pense que ça me bloque. Ben ok, d'accord, mais à ce moment-là aussi, t'as vraiment pas hésité à sortir dans des questions un peu plus épineuses, comme par exemple au niveau des indignés cet automne, tu t'es montré, partisan encore une fois, t'as dit « oui, moi j'appuie ce mouvement-là ». Bon, alors j'aimerais savoir ton opinion sur ce mouvement-là, justement les indignés et Occupons Montréal, t'en as pensé quoi et t'en penses quoi encore de tout ça? Je suis un peu mitigé, parce que je suis d'accord avec la base, je suis d'accord avec l'idée. En fait, je suis d'accord avec tout ça. C'est juste que moi, quand je suis allé à Occupons Montréal faire un spectacle, j'étais un petit peu déçu du point de vue de certaines personnes, de beaucoup de personnes en fait qui étaient présentes. J'ai trouvé que c'était une espèce de, comment je dirais bien ça, c'était un petit peu poseur. C'était un peu, nous révolutionnons la planète, on change le monde, on se regarde être extraordinaire, changer le monde. Et je chantais pas qu'il y avait une organisation puis qu'il y avait un réel désir de faire avancer les choses. Je chantais que c'était tout était dans l'image encore, parce qu'on est tellement une génération d'images, là, la nôtre. J'étais un peu déçu de ça, mais j'ai supporté quand même. J'ai fait le spectacle, j'ai rencontré des gens extraordinaires, mais j'étais un peu déçu de ce que j'ai vu, bien honnêtement. Donc, il est déçu. Est-ce que tu soutiens... En fait, je voudrais savoir maintenant, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se poursuivre? Est-ce que ça a eu du bon quand même, ce mouvement-là, au niveau de faire avancer les choses, justement, malgré tout, malgré ce que tu as constaté? Ben, ça a eu du bon, mais justement, c'est que comme je te dis, c'est que c'était basé un peu sur l'image, mais on vit dans une société d'image, donc c'est bon. C'est bon qu'on ait eu cette image-là de gens qui se soulèvent, qui occupent, puis qui ne se révoltent pas. Je peux pas un peu peu le mot révolte, mais qui soient là, qui démontrent qu'ils sont pas d'accord. Je pense que niveau image visuelle, c'est bon, mais je pense que c'est tout ce que ça va rester. Très bien, Guillaume. Oui, vas-y, excuse-moi. Je pense pas que ça va continuer. Je pense pas qu'il va y en avoir d'autres. OK. Guillaume, comme on a fait avec Christian Vanasse la semaine dernière, je vais te poser des questions en rafale. Je te donne un grand sujet, puis tu me donnes rapidement en deux, trois phrases une opinion là-dessus. Ça te va? C'est bon. OK, on va rouler ça rapidement. Alors, la hausse des frais de scolarité? Ben moi, je suis contre. Écoute, mon opinion, c'est plate là-dessus. Je suis contre, je trouve ça ridicule. Je suis pour la gratuité scolaire au grand complet. Fait que je sais pas quoi dire d'autre là-dessus. Je suis comme découragé de voir les jeunes qui sont pour la hausse. Je comprends pas. Je cache pas. Bien. Le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Le gouvernement conservateur de Stephen Harper, je sais pas qui il représente. Moi, ça me fascine un peu. J'ai aucune idée de... Je suis jamais allé en Alberta. Fait, s'ils sont comme ça en Alberta, je vais jamais y aller. Je comprends pas. Je me sens pas représenté, c'est sûr. Puis je comprends pas qui sont ces gens-là. Je suis en désaccord pas mal systématiquement contre tout ce qu'ils disent. Et que je me sens un peu seul en ce moment. Très bien. Et puis l'Assemblée nationale du Québec, François Legault, la CAQ. Oh, la CAQ. C'est une belle job. Les médias, bravo. Un très, très bon travail. Ça a l'air que quand tu payes les bonnes personnes, c'est ça qui arrive. Ça a été un bon travail. Mais en même temps, je pense qu'il y a une limite à ça. Je pense que l'électorat est en train de comprendre, puis est en train de reprendre le dessus, puis de reprendre contrôle de la place politique, parce qu'on le voit avec les sondages que c'est en train de baisser. Donc, je pense qu'il y a une limite au pouvoir que les médias ont, puis je suis content de le constater. Bien. Et ce qui se passe à la... T'es Montréalais? Oui. Ce qui se passe à la mairie de Montréal, t'es au courant avec tout ce qui est les scandales financiers, etc., et puis les compteurs d'eau, etc., est-ce que t'as suivi un peu le... Mais écoute, il y en a toujours des nouveaux, fait que je sais pas de quel tu parles. Je sais comment... Il y a toujours de quoi de nouveau. À chaque fois que j'écoute la radio, Gérald Tremblay a encore fait une connerie. Non, mais Montréal, ça va pas bien. Mais écoute, on se l'est donné, ce maire-là, j'imagine. Hein? Les gens ont voté pour encore, même si on s'est resté qui. J'imagine qu'on le mérite un peu, mais c'est vraiment une catastrophe, là. Très bien. Puis, bon, ton opinion sur l'environnement, ça ressemble à quoi, Guillaume? Le protocole de Kyoto, il y a une base militaire, pas une base militaire, pardon, une base qui fait l'étude du réchauffement planétaire là, sur l'île d'Ellesmere qui a été fermé, en fait, faute de financement. Le financement avait été accordé en 2011 par les conservateurs dans le budget Flaherty. Malheureusement, l'argent n'est jamais arrivé jusqu'à l'organisme qui la gère. Donc, cette base-là qui devait étudier les impacts du réchauffement climatique sur l'Arctique, ben, elle va être fermée, tout simplement. Donc, justement, ton opinion, là, et ce 22 avril, là, la journée de la Terre et tout ça, là, t'en penses quoi? Écoute, moi, je suis un peu perturbé par ce qui arrive, parce que ça prend de l'ampleur, je pense, le mouvement le climato-sceptique là, qui est basé sur pas grand-chose, qui est basé sur une couple de scientifiques illuminés payés par des lobbies. Ça prend de l'ampleur. Moi, j'entends de plus en plus ça parce que si on demande aux gens ou bien faire un effort ou croire à une espèce de théorie ridicule. C'est vraiment, ah, ben là, si je vais pas faire d'effort, c'est parfait. Moi, prendre ça, c'est pas bon que ce soit là, que ce soit disponible comme option de douter des changements climatiques dus à l'être humain. Donc, je suis un peu découragé là-dessus, mais moi, j'essaie de faire ma part. J'habite dans une cour, on fait du compost, on recycle. Je suis cauchemar des gens de Radio X. Pardon? Je suis cauchemar des gens de Radio X. Je suis un gars de gauche, j'habite dans une cour qui recycle. Parlant de Radio X, qu'est-ce que tu penses de la ville de Québec? Ben moi, je viens de Québec. Je suis un gars de Québec. Que je connais très bien Québec. J'ai vu tout ça, moi, la montée des radios poubelles avec Jeff Fillion, André Arthur, tout ça. Puis moi, c'est très néfaste, je pense, cette espèce de climat négatif, pessimiste. Je trouve que c'est étouffant un peu, Québec. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, puis ça rêve pas beaucoup. C'est ça, je me suis rendu compte. C'est un peu... un peu renfermé, ça sent le renfermé, puis je mets ça sur la faute de des radios poubelles. Honnêtement, j'ai pratiquement que sur leur faute. Mais j'aime Québec, c'est une belle ville, puis il y a du bon monde à Québec. J'ai aimé cette ville-là, mais elle m'a déçu un peu. Ah, c'est bien. Et déçu, c'est quoi, en fait, la plus grande déception? C'est que ça arrive plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça arrive plus, que ça ose pas être différent. C'est ça qui me déçoit. Ça veut pas être différent. Ça veut suivre. Ça veut être le mouton qui est pareil comme l'autre dans Meute. Puis moi, je suis pas comme ça. Tu sais, j'haïs ça. Mais j'aime y retourner. Mais je pense que je sens que ça change un peu. Je sais que je suis plus là. Mais je sens que le vent est en train de tourner un peu. Peut-être que je me trompe. Je sais pas si tu peux confirmer. Ben en fait, ben écoutez, je sais pas si notre humble émission de radio, notre initiative ici a pu donner un coup de main également, mais je pense que c'est ce genre d'initiative-là qui peut aider. Parce que oui, effectivement, comme par exemple, on parle de l'amphithéâtre et tout ça, les gens ils pensent que c'est toute la population de Québec qui veut les Nordiques, puis qu'on est prêt à avoir un amphithéâtre pour scraper notre diversité culturelle et de divertissement. Mais ben, c'est faux. Il y a des gens qui sont contre ça, contre le processus démocratique qui a amené à cette fameuse loi pourrie qui fait en sorte qu'on protège l'entente et protéger Québec, il faut le faire. Et ben c'est ça. Il y a des gens qui sont contre, mais malheureusement, ils n'ont pas les tribunes pour pouvoir se manifester. Oh non, c'est ça. Mais tu sais, j'ai l'air négatif, mais en même temps, à Québec, les codes d'écoute à Radio X, c'est en chute libre. Puis Occupons Québec, ça a eu lieu. Moi, ça me jetait à terre, là, parce qu'ils se faisaient harceler, puis ils restaient là, puis ils continuaient. C'est ça qu'il y en a des gens à Québec qui foncent, puis qui avancent, puis qui rêvent. Puis tant mieux. En terminant, Guillaume, je te demanderais de mettre tes lunettes de devin et j'aimerais que tu me dises, selon toi, pour l'avenir à court et moyen terme là, du Québec et du Canada, enfin bref, de la situation, quelles sont tes prédictions? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Je pense pas qu'il y ait personne qui peut dire, qui peut prévoir ce qui va se passer au Québec. Moi, j'ai aucune idée. Ça change de jour en jour avec... tu regardes les sondages, regarde l'appui que les gens ont pour la souveraineté, ça change tout le temps. J'ai honnêtement et sincèrement aucune idée où ce qu'on s'en va, mais moi, je sais où je m'en vais. Fait que c'est toujours ça. C'est bien, mais écoutez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. Ben Guillaume, écoute, on va rappeler aux auditeurs de choix. J'allais dire choix. Tu parles d'un peu la... On peut leur rappeler aussi. J'ai une faiblesse, mais je m'excuse, mesdames et messieurs. J'ai une faiblesse. Je suis désolé. Je vous demande pardon. Bon, on va rappeler aux auditeurs de CKRL que le 7 novembre, ce sera ta grande rentrée québécoise. Tu seras à la salle Albert Rousseau à Sainte-Foy pour ton premier One Man Show. Donc, t'es combien de soirs à Québec? Seulement un soir, on a une supplémentaire qui va être en 2013, par contre. Parfait. Alors, Guillaume Wagner, merci beaucoup. Et puis, ben, on te souhaite bonne chance pour la suite des choses en ce qui concerne tes projets personnels. Et puis, ben, écoute, voilà, continue de brasser la cage et de nous provoquer. D'ailleurs, au niveau provocation, est-ce que pour toi, t'en fais une espèce de marque de commerce? Non, moi, mon but, c'est jamais de provoquer, mais c'est ça que ça fait. Mais en fait, non, je veux pas. Ouais, non, je suis un peu provocateur. Quand tu m'aimes pas, je vais te provoquer un peu. J'aime taquiner ceux qui m'aiment pas ou ceux que je sens qui vont pas m'aimer. Je trouve ça drôle. Je trouve avant de me faire attaquer, j'attaque. C'est un petit peu un réflexe que j'ai. Fait que j'imagine, ouais, non, je suis provocateur. Je vais l'assumer. Très bien. Alors, mon cher ami Guillaume Wagner, provocateur, c'est justement le titre d'une chanson de Kevin Parent qui va jouer dans notre bloc musical avec les Cowboys fringants, que du vent. Mais on va aller dans un bloc pub, mais moi, je te remercie. Je te dis au revoir, à une prochaine fois. Et puis, écoutez, encore une fois, bonne chance pour la suite de tes projets. Bye. Salut. Alors, on parlait avec Guillaume Wagner, l'humoriste qui était notre éditorialiste invité pour cette semaine. Alors, comme je viens de vous le dire, on va écouter les Cowboys fringants et Kevin Parent tout de suite après notre petit bloc pub. Et au retour de la pause, ben, on va parler avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est le porte-parole de la classe. C'est lui qui a été invité sur le plateau de Tout le monde en parle ce dimanche soir et qui, ma foi, en ce qui me concerne, a fait sensation. Donc, on va lui parler de cette manifestation contre la hausse des frais de scolarité qui aura lieu demain à Québec. Prix.net. Pour seulement 4 995 $ d'investissement, devenez propriétaire d'une franchise d'entretien ménager commercial. Pour un temps limité, recevez gratuitement un ensemble de départs d'une valeur de 1 500 $. Appelez et profitez de notre spécial au 621-8058 621-8058. Vous avez l'oreille curieuse? Vous recherchez des sons différents? Vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens? Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse.

dans une nouvelle danse. Tu t'es acheté un look, mais t'as pas plus de classe. Ton sourire encore, tes propos prévisibles. Chers auditeurs de Québec et de toute autre provenance, vous êtes à l'écoute de CKRL, l'émission La Fausse Patte. On entreprend notre dernière demi-heure en ce 29 février. Eh bien, aujourd'hui, on a une bonne émission. On a parlé à Guillaume Wagner avant la pause. C'est notre éditorialiste invité, l'humoriste Guillaume Wagner. En première entrevue, on a eu Dominique Champagne qui nous parlait de ce fameux 22 avril, plutôt, Journée de la Terre, où il invite tous les Québécois et les Québécoises à sortir dans la rue. Question qu'on réaffirme notre intention et surtout nos préoccupations face à l'environnement et la gestion de nos ressources. Et puis, première demi-heure éditoriale, comme chaque semaine, on a parlé de la CAQ en vrac, le Mathieu Bock-Côté, ainsi que des conservateurs qui, encore et toujours, alimentent notre indignation. Et bien, pour cette dernière portion d'émission, on va rejoindre quelqu'un qui a fait, je pense, une bonne sensation ce dimanche soir devant presque 1 million de spectateurs, de téléspectateurs québécois. Alors, Gabriel Anano-Dubois, salut, comment ça va? très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Gabriel, tu es co-porte-parole de la classe, un organisme qui milite contre la hausse des frais de scolarité qui a été annoncée par Raymond Bachand, ministre des Finances du Québec au Parti libéral. Donc, rapidement, Gabriel, explique-nous donc, c'est quoi la classe? La classe, c'est une coalition d'associations étudiantes qui se sont regroupées là, à partir du mois de décembre dernier autour d'une organisation étudiante qui existait déjà depuis 10 ans, qui s'appelle l'AC. Donc, on parle de la coalition large de l'AC, d'où l'acronyme classe. Des associations étudiantes qui se sont rassemblées sur certaines bases communes, des bases très claires, c'est-à-dire une opposition ferme et non négociable à toute forme d'augmentation des frais de scolarité, une opposition aux coupures de 60 millions qui ont été faites là, par ce même gouvernement libéral dans les cégeps de la province. Et évidemment, je dirais que le troisième consensus sur lequel se fonde la classe, c'est disons, le moyen de la grève générale illimitée, qui est compris par les associations membres de la classe comme le seul moyen susceptible de reculer le gouvernement libéral de Jean Charest sur sa décision d'augmenter les frais de scolarité. OK, Gabriel. Donc, la classe, c'est comme une espèce d'organisme fédérateur. C'est-tu un OBNL? C'est un organisme non lucratif, c'est quoi? C'est une structure étudiante? C'est comment? Oui, exactement. Ça... Donc, on parle d'un syndicat national étudiant qui regroupe près d'une quarantaine d'associations étudiantes qui, dans le fond, ont chacune un droit de vote au Congrès national de la classe qui prend les décisions là, pour orienter l'organisation. OK. Ça, c'est autant pour le collégial que pour l'universitaire? Oui, tout à fait. OK, très bien. Donc, Gabriel, grosso modo, on a parlé avec une demoiselle Martine Desjardins la semaine dernière, qui était présidente de la FEUC, la Fédération des étudiants universitaires du Québec. Elle nous a fait un peu l'historique là, des négociations qu'il y a eu entre les universités, les conseils d'administration des universités, qui sont maintenant assez bien peuplés de gens de l'industrie, du privé, les entreprises. Et puis, bon, tout ce 18 mois de négociations qui a avorté finalement, et là, qui vous a fait prendre cette décision d'entrer en grève. On en est où présentement là, dans l'évolution? La semaine dernière, les chiffres qui étaient sortis, c'était 62 000. On en est où présentement? Présentement, on vient là, de dépasser la barre des 75 000 personnes en grève générale illimitée. Le cégep de Lionel Groulx, qui a vraiment quelques instants, vient d'adopter à 83 % de propositions en faveur du déclenchement de la grève générale illimitée. Donc, on est à 75 000 personnes en grève. À peu près 40 000 de ces personnes-là sont dans les cégeps, l'autre moitié dans les universités du Québec. Un mouvement qui a pris rapidement de l'ampleur, il faut quand même le rappeler, là, fait à peine, en à peine 3 semaines, le mouvement a passé de 10 000 grévistes à donc 75 000 grévistes, une augmentation extrêmement rapide. Et il y a encore des votes qui sont à venir aujourd'hui, demain, là, à tous les jours dans les prochaines semaines. Donc, on s'attend à atteindre un sommet de grévistes au courant du mois de mars. Gabriel, on entend souvent dans le clan des opposants, là, le fameux carré vert, que bon, c'est pas tous les universitaires, par exemple, là, qui sont contre la hausse des frais. C'est quoi le taux à peu près? Est-ce que tu es capable de me dire le taux moyen, le pourcentage moyen de vote en faveur de la grève pour la hausse des frais? Ce qu'on remarque depuis le début du mouvement, c'est des assemblées générales extrêmement populeuses. Je reviens, là, il y a quelques instants, du cégep de Saint-Jérôme, où il y a eu, en fait, la plus grande assemblée générale de toute l'histoire de l'association étudiante. Hier, j'étais à Drummondville, et c'est le même scénario qui s'est reproduit. Plus grande assemblée générale de toute l'histoire de l'association étudiante. On parle de taux de participation là, de 60-70% dans les assemblées générales et les référendums sur la question de la grève. Donc, des taux de participation extrêmement importants, beaucoup supérieurs au taux de participation de l'élection provinciale de 2008, qui était de 57% et qui a élu le gouvernement qui augmente les frais de scolarité. Alors, on parle de taux de participation extrêmement importants et de nombreux de grèves qui sortent de manière générale, parce qu'évidemment, ça varie, mais de manière générale, très fort. Par exemple, au cégep Marie-Victorin, où la grève s'est votée là, la semaine dernière à près de 78% dans une très grande assemblée générale. Des associations du CAM qui ont voté la grève à des majorités de plus de 90%. C'est vraiment des votes très, très forts et très, très représentatifs. Ça, on en est très fiers. On en est même un peu surpris nous-mêmes. Gabriel, est-ce que c'est moins où la grève est plus populaire chez les cégepiens que chez les universitaires? L'opposition vient beaucoup de... L'opposition me semble venir beaucoup du côté universitaire. Je dirais qu'une des caractéristiques de la grève de cette année, c'est qu'elle a, oui, démarré dans les universités. Ce sont les universités qui ont parti le bal. Mais ce qu'on remarque, là, c'est que depuis, disons, la dernière semaine, vraiment, les cégeps ont embarqué dans le mouvement. Comme je disais hier, Drummondville, Rimouski, aujourd'hui, à Lionel Groulx, donc à Sainte-Thérèse. Les cégeps emboîtent le pas très, très rapidement. C'est une grève qui, oui, est plus universitaire que certaines grèves du passé, On est très confiants, puis on est très confiants que ça va rapidement se généraliser dans l'ensemble du réseau postsecondaire. Mais l'opposition même là, chez les étudiants, je veux dire, les fameux carrés ouais. verts, là, il me semble que sont beaucoup plus. On entend beaucoup plus parler du côté des universités que des cégeps, c'est possible ça? On en voit aussi dans les cégeps depuis les dernières semaines. Je dirais que c'est assez réparti équitablement dans les cégeps et dans les universités. Bon, Gabriel, pour la suite de l'entrevue, là, tu m'excuseras, mais tu vas être obligé de repartir ta cassette habituelle. Mais ouais. les informations que je veux bien faire parvenir aux oreilles de mes auditeurs. Écoute, cette hausse des frais de scolarité, en quoi elle est si substantielle? Moi, j'ai entendu parler que le gouvernement libéral voudrait ramener les taux à ce qu'ils étaient à l'équivalence de 1968, qui sont les plus hauts taux de scolarité qui ont été perçus dans l'histoire du Québec. Est-ce que c'est vrai, ouais. ça? Ben écoutez, première chose, il faut rappeler que l'augmentation des frais de scolarité est de 1625 par année supplémentaire pour fréquenter une université. Ça représente une hausse de 75 qui s'ajoute à la hausse qui est présentement en cours, qui est de 30. C'est-à-dire que si la hausse des frais de scolarité passe, la facture universitaire va avoir, depuis l'arrivée au pouvoir de Jean Charest, augmenté de 128, donc plus que doublé. Évidemment, c'est une augmentation fulgurante. Que les salaires, évidemment, et les prix des bourses n'ont pas suivi. Cela dit, sur la question de 1968, il faut toujours faire attention aux variables qu'on utilise. Le gouvernement libéral utilise l'inflation, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, pour dire qu'on paierait à la fin de la hausse le même coût, toute proportion gardée, qu'en 1968. Toutefois, il y a d'autres variables qu'on peut utiliser. Par exemple, le salaire minimum. Si on compare ce que ça coûtait, par exemple, en 1978, avec le salaire minimum de l'époque, qui est environ 3 $, ça prenait 4 semaines à un étudiant ou à une étudiante pour payer sa facture d'université. 4 semaines de travail à temps plein au salaire minimum pour payer heures. L'université. Après la hausse des frais de scolarité qui est présentement proposée, payer sa facture universitaire va nécessiter 9 semaines de travail à temps plein si le salaire minimum est augmenté à 12 $, qui évidemment est loin d'être une certitude avec le gouvernement libéral. Donc, il faut vraiment voir quel comparatif on utilise. Si on utilise le temps de travail, eh bien, non, les étudiants et les étudiantes en 2017 ne paieront pas la même chose que les étudiants et les étudiantes dans les années 70. Très bien. Présentement, Gabriel, en 2012, là, si on regarde le statu quo, ça prend combien de semaines à 40 heures au salaire minimum pour un étudiant pour payer sa session? Actuellement, c'est autour de 7 semaines de travail à temps plein. Très bien. Au salaire minimum actuel. Ce qui est donc déjà bien davantage que ce que ça coûtait en 1978 où on était à 4 semaines de travail. Évidemment, bon là, on dit tout le temps du côté là, des pro-hausses, on dit que les universités sont sous-financées, que ouais. c'est normal que pour un enseignement de qualité, ça prend de l'argent, etc. Bon, j'imagine que là, ça, je suis d'accord, on s'entend tous qu'on ouais. veut tous investir en éducation, voilà. Je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu. Maintenant, j'imagine que de votre côté, il y a d'autres sources de revenus, selon vous, que la poche des étudiants. Mais exactement. Le débat n'est pas sur la nécessité ou pas d'avoir des universités de qualité ou bien financées. Tout le monde s'entend là-dessus. En tant qu'étudiant, c'est certain qu'on veut des bonnes universités. Le débat n'est pas là. Le débat est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a déjà. Et deuxièmement, si on veut des sources supplémentaires de financement, où est-ce qu'on prend l'argent? Et la première question-réponse, c'est donc, comme je disais, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui est actuellement dans nos universités? Et quand on regarde ça, on se rend compte qu'il y a des graves problèmes dans l'allocation actuelle des fonds. Ce qu'on remarque dans le budget des universités, c'est des sommes astronomiques investies dans l'immobilier, dans la publicité, dans le plein de vie personnel des recteurs et des rectrices, de l'argent qui est de plus en plus dirigé vers des activités de type commercial et de moins en moins dans des activités d'enseignement. OK, donc, OK, je suis... Juste en regardant l'allocation actuelle des fonds, il y aurait moyen de, disons, changer l'allocation de l'argent pour financer davantage des activités, disons, traditionnelles de l'université. OK. Là, il y a 2 points qui m'ont dans l'énumération que tu as fait. Bon, le train de vie, directeur, etc. Bon, ça, on s'en doutait tous. Mais là, tu as dit 2 choses. Tu as dit activité commerciale au sein des universités, premièrement. Ça, j'aimerais ça que tu spécifies. Et deuxièmement, investissement des universités dans l'immobilier. Tu peux-tu spécifier ces 2 points-là, s'il te plaît, donner des exemples concrets là, qu'on puisse s'imaginer? Ouais. Quand on parle d'activité commerciale, on parle surtout de recherche universitaire et pas de recherche fondamentale, c'est pas de recherche de nouveaux savoirs, mais de recherche appliquée aux entreprises. Donc, on voit de plus en plus là, publier à l'intérieur même des universités, ce qu'on appelle des chaires de recherche, des endroits où des professeurs s'associent à des entreprises privées pour développer, plus souvent qu'autrement, des nouvelles technologies pour les entreprises privées. Ces chaires-là sont financées par le public. Donc, on parle vraiment de fonds publics qui servent à financer des activités de recherche dans les universités, activités de recherche qui sont par la suite accaparés par le secteur privé. Okay. Il y a actuellement au Québec là, à peu près 1 milliard de dollars par année qui servent uniquement ce type de recherche-là, alors qu'avec la hausse des frais de scolarité, on va aller chercher à peine 250 millions de nouvel argent pour les universités. Okay. Donc, juste en disons, en cessant de payer pour les entreprises la recherche et le développement, on pourrait aller chercher des sommes substantielles pour financer l'enseignement. OK, Gabriel, excuse-moi, je vais t'arrêter tout de suite. Là. Je trouve ça important et grave ce que tu es en train de dire là. Donc, si je comprends bien, nous, au niveau du public, de la population, on paie les universités qui font de la recherche, mais les recherches que nous finançons, nous, en tant que citoyens, sont faites dans des domaines pour des projets dont l'expertise qui en ressortira, les données qui en ressortiront, vont servir à l'entreprise privée. Exactement. C'est un vaste... Il faut comprendre que la hausse des frais de scolarité, c'est avant tout un moyen de venir mettre de l'argent supplémentaire dans ce qui est, au fond, une vaste fraude, un vaste détournement de fonds. Et c'est ce que, sont en train de devenir nos universités. Donc, comme tu disais, on parle de secteurs de recherche très pointus, financés par le public, qui développent, par exemple, une nouvelle technologie on pourrait dire, en télécommunication. Et par la suite, évidemment, les chercheurs vont breveter cette nouvelle invention-là et vont la vendre au privé. Là, on se dit, ah, ben dans ce cas-là, c'est parfait, la vente des brevets, c'est un revenu pour l'université. Non, mais malheureusement, on remarque, c'est que ces brevets-là sont généralement vendus à des sommes dérisoires. Pour donner une idée, en moyenne, ça représente moins de 1% du revenu des universités, la vente des brevets, alors que la proportion d'argent public investi par les contribuables pour financer ces brevets-là est de l'ordre, comme je disais, de 1 milliard de dollars par année. Donc, c'est évidemment une disproportion complète. Pas vraiment d'argent public qui sert à développer des technologies pour le privé. OK, Gabriel. Finalement, ce que je comprends bien, c'est que maintenant que les universités sont évaluées selon leur financement, hein, il y a une entente de concurrence qui a été signée avec François Legault à l'époque, dans les années 90. Ouais. Et là, ce qui se passe, c'est que pour être financé, donc, les universités ont ouvert la participation d'entreprises privées. Ouais. Donc, des gestionnaires d'entreprises privées vont sur les conseils d'administration, usent d'influence justement avec cet argent-là pour orienter les projets de recherche. Ces projets de recherche-là sont orientés selon leurs objectifs à eux. Donc, la recherche se fait par des étudiants. C'est un peu du cheap labor, on s'entendra bien. Hein? Il paiera pas ces chercheurs-là comme des chercheurs professionnels. Et à toute fin, ces brevets-là qui en ressortent des universités, au lieu de rester dans le bien public, parce qu'il est financé pour le bien public, est acheté à rabais par l'entreprise privée qui, elle, a influencé le choix de ces recherches-là en étant sur les conseils d'administration. C'est bien ça? Exactement. Donc, bref, pour résumer ça, on pourrait dire qu'alors que les recteurs nous parlent de sous-financement universitaire, nous, on préfère parler de mal-financement universitaire. C'est-à-dire qu'il ne manque pas, disons, de manière générale, d'argent dans nos universités. En fait, pardon, dans toute l'histoire de l'Occident, il n'y a jamais eu autant d'argent dans nos universités. Le problème n'est pas dans la quantité d'argent, le problème est à qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui est là actuellement, et c'est pas simplement des questions de mauvaise gestion, c'est une question politique, idéologique, de à quoi doivent servir nos universités et à quoi elles servent actuellement. Actuellement, elles servent de plus en plus de vastes laboratoires de recherche et développement au profit du privé et de moins en moins à ce qu'elles devraient être fondamentalement, c'est-à-dire des lieux d'enseignement pour transmettre des savoirs autant techniques, par exemple comme en médecine ou en ingénierie, que des savoirs humanistes généraux pour développer l'esprit critique des étudiants et des étudiantes, et en fait l'esprit critique de la société de manière générale. Et la hausse des frais de scolarité, c'est cette transformation perverse de l'université que ça vient alimenter. Bon, écoute, moi, Gabriel, ce qui me choque en tant que moi, que moi, je suis pro-éducation gratuite et tout, là, mais je suis d'accord avec tes arguments. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est que je finance une éducation, d'accord, qui va aider les riches à devenir encore plus riches. C'est-à-dire, ces compagnies-là qui vont encore faire plus d'argent avec mon argent à moi, et je leur en donne quand je consomme, je leur en donne quand je paie des impôts, finalement. Donc, il y a une injustice là-dessus. Bon, écoute, Gabriel, maintenant, la deuxième chose, l'immobilier. J'imagine que tu vas parler de l'îlot voyageur à l'UQAM. Exemple, je pense que c'est le plus gros éléphant blanc là, qui sert de meilleur exemple pour ce phénomène-là. Ouais. Explique-moi donc en quoi là, ça le nuit aux universités puis que ça fait des trous dans le financement. Il faut comprendre toute la dynamique de mal-financement dont je parlais tout à l'heure s'inscrit de manière plus large dans une tendance à la marchandisation des universités, à la commercialisation des universités, sais que les universités, de plus en plus, pour attirer justement les fameux chercheurs dont on parlait tout à l'heure, et les fameux fonds de recherche dont on parlait, vont se mettre à entrer en compétition l'une avec l'autre. Et c'est dans cette dynamique de compétition-là la plupart des universités, s'enfoncent actuellement, avec comme résultat qu'elles vont essayer de faire à peu près tout ce qui est possible pour se démarquer. Comment elles vont essayer de se démarquer? Bon, en faisant la publicité, comme on le disait, en présentant leur recteur et leur rectrice comme des gens qui sont de la haute société, et aussi en démarrant toutes sortes de projets immobiliers mégalomanes pour faire, dit-on, rayonner les universités et aller voler, surtout, des étudiantes aux autres universités. Ce qui explique, par exemple, que l'Université du Québec à Rimouski a un pavillon à Lévis, que l'Université du Québec en Outaouais a un pavillon à Saint-Jérôme, que l'Université de Montréal et l'UQAM ont un pavillon à Laval, et c'est ce qui explique même que l'Université du Québec à Chicoutimi a un pavillon à Pékin, en Chine, payé par nos frais de scolarité, payé par l'argent également des contribuables. Et donc, c'est toute cette dynamique-là qui est en train de se consolider au Québec avec la hausse des frais de scolarité, où, il faut le rappeler, il y a une bonne partie de l'argent de la hausse des frais de scolarité qui va être donnée par les étudiants et les étudiantes, qui va servir à ce que le gouvernement appelle le positionnement concurrentiel des universités, ce qui évidemment signifie publicité, projet immobilier, etc. Et finalement, mais ça met aussi en danger tout un savoir qui ne fait pas de la business. On parle de la littérature, de la philosophie, de la sociologie, de la musique. J'imagine que ça aussi, c'est mis en danger. Est-ce qu'on a déjà senti une baisse de financement dans ces facultés-là? Est-ce qu'il y a déjà, dans vos études, dans vos constats, est-ce que, à ce niveau-là... Évidemment, quand on augmente les frais de scolarité, on vient mettre une pression économique sur les étudiants et les étudiantes. Évidemment, cette pression économique-là oriente les choix de programme. Si vous savez que vous allez sortir de l'université avec une dette de 40 000 $ le baccalauréat en musique, soudainement, devient un peu moins attrayant, évidemment. Et c'est ce qu'on a remarqué à travers le monde. En Angleterre, on a augmenté les frais de scolarité de manière massive dans les dernières années, et cette année, on a fermé le département de philosophie à Essex, qui était une des grandes facultés de philosophie du monde occidental. Donc, je veux dire, quand on augmente les frais de scolarité, quand on commercialise nos universités, c'est certain que les domaines humanistes, que les domaines artistiques sont les grands perdants du monde des frais de scolarité, non seulement parce qu'ils sont désertés par les étudiants et les étudiantes qui ne veulent plus s'endetter pour aller étudier dans ces domaines-là, mais aussi parce que, étant donné que le financement est de plus en plus orienté vers la recherche rentabilisable, ces départements-là n'étant pas en mesure de produire de recherche rentabilisable, se sont désertés par les fonds privés et publics. Gabriel, notre émission achève. Demain, il y a un événement important là, qui se déroule à Québec. Parle-nous-en un petit peu, s'il te plaît. Oui, donc demain, deuxième manifestation nationale de cette grève générale illimitée qui est en cours au Québec. On attend au moins une participation équivalente aux gens qui restent dans les rues à Montréal. Et demain, on s'en va directement devant l'Assemblée nationale du Québec pour répéter encore une fois au gouvernement libéral qu'augmenter les frais de scolarité, c'est fermer la porte des universités à des milliers de personnes qui ont le talent et la volonté d'aller à l'université, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de payer 75% de frais de scolarité à chaque année. C'est ce message qu'on va aller répéter demain au gouvernement libéral, et on a confiance que si on continue à se mobiliser, ben, il va finir par nous écouter et par reculer. C'est un très bon mot de la fin, Gabriel. Bon courage. Encore une fois, félicitations. Moi, je t'ai écouté dimanche soir, et puis je m'en cache pas. Je trouve que tu as fait une performance exceptionnelle. Félicitations. Donc, continue de porter ton message avec autant de rigueur et de prestance. Je pense que la cause va avancer. J'ai confiance que ça va avancer là, dans les prochaines semaines. Donc, là, je sais pas le combat. Si ça peut convaincre des gens d'être solidaires de notre combat, on va continuer à parler sur toutes les tribunes. Merci beaucoup. Ah ben, merci à toi, puis bonne chance demain pour la manifestation, et je t'annonce que j'y serai avec grand plaisir. Parfait, on se verra alors. Bonne fin de journée, bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, en cette fin d'émission de La Fausse Patte, 29 février, on parlait avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est porte-parole de la classe, qui est évidemment un regroupement d'associations étudiantes, autant au collégial qu'à l'universitaire, pour lutter contre la hausse des frais de scolarité. Donc, ben voilà, ça met fin à notre émission de cette semaine. Très bonne émission. Si vous voulez mon avis, moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis très emballé par les interventions qu'on a eues. La semaine prochaine, et ben, avant d'aller rejoindre Tania Beaumont, hein, qui est en direct du Sacrilège tout de suite après notre prestation, et ben, la semaine prochaine, on va être à la veille. Ça va être le 7 mars, la veille de la Journée de la Femme. On va consacrer notre émission justement au mouvement féministe, à savoir qu'est-ce qu'il y en a d'égalité des sexes au Québec et dans le monde. Ça sera aussi le grand retour de ma comparse Catherine Dorion, qui reviendra au micro en ma compagnie. Voilà, pour reprendre le collier. Et là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et puis à la semaine prochaine pour une autre émission de La Fausse Patte, au retour en direct du Sacrilège avec Tania Beaumont. Les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec entrent en scène dans Fragments, une création théâtrale collective mise en scène par Marie-Josée Bastien. Ces fragments d'histoire, plus insolites les unes que les autres, sont attachés par une trame qu'on découvre peu à peu avec stupéfaction. Venez voir Fragments.